Merci. On approche. Marie, viens t'asseoir avec comme ça on va présenter tous. Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on a une journée un peu spéciale d'échange des pratiques et des savoirs autour de l'éducation populaire et des autres choses qui se font sur ce thème. Donc on va commencer par présenter un petit peu nous ce qu'on fait depuis maintenant un mois et demi, même plus, presque 2 mois, à Debout Éducation Populaire. Alors on est sur la place en fait du mardi au dimanche, du mercredi au dimanche en fonction des semaines, de 14h à 18h, et on propose des interventions d'une heure à chaque fois. Donc on part du principe que n'importe qui, n'importe quelle personne peut venir nous proposer une intervention. Je crois que jusqu'à maintenant on n'a refusé aucune intervention. Ça peut être une connaissance particulière, ça peut être aussi une expérience, ça peut être un loisir, une passion, une pratique. La personne de le format standard, c'est que la personne vienne exposer son thème pendant une vingtaine de minutes et ensuite on a 40 minutes de débat avec le public. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que ça marchait plutôt très bien. On a aussi mis en place depuis 2-3 semaines maintenant le système de la boîte à questions. Alors en fait, on a une boîte dans laquelle les personnes enfin, tous ceux qui passent sur la place peuvent déposer une question de façon anonyme. Et on a un créneau horaire dans la semaine, c'est le samedi à 16h. Ou à 17h. Lors de ce créneau-là, on répond en fait aux questions. On part du principe qu'on n'invite pas un expert pour y répondre, mais que justement c'est dans l'échange entre les personnes présentes que on va pouvoir répondre à cette question. Voilà. Est-ce que vous voulez. Il y a d'autres choses à dire après. Peut-être ce qu'on peut rajouter au niveau de l'organisation. Pour dire un petit peu comment ça se passe. Ce que je trouve très intéressant, c'est que là, par exemple, aujourd'hui, il y a personne qui était là, qui a créé en fait Debout Éducation Populaire. Là, il y a personne ici parce que ça tourne, beaucoup au niveau de l'organisation et en même temps, les gens s'investissent énormément. Et voilà, on voit bien qu'il n'y a pas un leader ou quelqu'un qui est toujours là depuis le début, toutes les semaines. Ça permet que chacun s'investisse à sa façon et d'être à chaque fois entre les interventions, que n'importe qui peut venir intervenir, faire partie de l'organisation et on a quand même une équipe assez formidable. On fait des réunions tous les dimanches à 18h pour prévoir soit les problèmes qu'on a, les achats à effectuer ou l'évolution, voilà. Peut-être si vous avez des questions, du coup. Non, moi je voulais juste demander s'il y avait des questions récurrentes, s'il y a des thèmes qui reviennent souvent, s'il y a des choses qui se dégagent. Alors, c'est vrai qu'au début, comme c'était fait notamment par des historiens, il y a eu beaucoup de thèmes au début qui étaient sur l'histoire. Depuis, comme on est à Nuit Debout, il y a eu beaucoup de thèmes sur la sociologie, notamment. Mais après, ça s'est petit à petit varié. Ah oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on essaye aussi de fonctionner comme interface entre Nuit Debout et les gens qui passent sur la place dans la journée. Donc on invite vraiment toutes les commissions de Nuit Debout à venir exposer leur travail. Parce que bon, ce que le public peut entendre à travers les médias, c'est beaucoup de critiques, mais finalement, les propositions, il y en a énormément, énormément de faites à Nuit Debout. Et donc, c'est pas mal que les commissions viennent justement présenter ce sur quoi elles travaillent. Et donc, ce qui fait que là, c'est beaucoup plus varié maintenant au niveau des interventions. Il y a des personnes, par exemple, au début, on n'avait pas du tout de sciences dures. On en a eu un petit peu après. On a eu un atelier boxe également. Un atelier théâtre, oui, c'est vrai. Hier, il y a eu un atelier de philosophie qui a plutôt bien marché. Oui, et par rapport aux commissions, on a eu des commissions comme Cahier de doléances ou encore Prison debout qui sont venues intervenir. Et c'était très intéressant pour eux de pouvoir s'exprimer devant un large public et d'avoir justement des questions qui étaient posées par rapport à leur travail et comment ils pouvaient améliorer leur commission. Et sociologiquement, alors du coup, est-ce que ça a amené des gens qui venaient pas forcément à l'université ou qui n'avaient pas forcément de formation? Est-ce que vous avez constaté que c'était plutôt des étudiants, plutôt des gens qui passaient, qui restaient, enfin voilà. Alors, il y a des gens qui viennent fréquemment, qui regardent un peu le titre des interventions et qui sont intéressés. Mais moi, je trouve que réellement, c'est un melting pot. Il y a autant d'étudiants que de retraités, que de gens de passage qui écoutent un peu et qui ont envie de participer parce que la thématique les intéresse. On a eu une femme qui était de passage à République lorsque la commission Prison debout est intervenue et elle était juste de passage sur la place de la République et voulait intervenir parce qu'elle avait un énorme passif avec la prison et elle donnait vraiment son point de vue d'individu qui l'a vécu. Donc c'est pas forcément que magistral. Oui, bah déjà bravo vraiment, c'est assez incroyable quand même ce que vous arrivez à faire, surtout dans la durée, enfin avec une ténacité, et c'est ce dont il faudra discuter aussi sans doute, comment assurer cette pérennité, peut-être aussi au-delà de Nuit Debout, même si on n'a pas fini avec Nuit Debout et c'est tant mieux. Alors, peut-être plusieurs choses, justement quand la charte a été élaborée, on a eu déjà une discussion. Par exemple, tout simplement sur la notion de savoir. Alors d'ailleurs, c'est un petit détail, mais qui n'est quand même pas si négligeable que ça. Au départ, ça devait pas s'appeler Éduc'Pop debout. Il y avait deux noms qui circulaient, qui étaient soit Jardin des Savoirs. D'ailleurs, on avait même apporté des fleurs, etc. Le tout premier jour, des plantes, etc., pour que ça soit assez joyeux. Mais la police a tout saccagé dans la nuit du dimanche au lundi, donc la première nuit. Ou alors Partage des Savoirs. Enfin, moi, ça, c'est une parenthèse personnelle, mais je pense que c'est... Encore une fois, ça fait partie de la discussion. C'est que moi, j'avoue que je continue à être un peu... avoir une toute petite réticence par rapport au nom Éduc'Pop debout, parce que justement, ce qui se fait, c'est pas de l'éducation populaire au sens où on la connaît dans des associations traditionnelles d'éducation populaire, où en général, ce sont des gens qui viennent faire de longues conférences et où à la fin, il y a une ou deux questions, et voilà. Alors que là, c'est vraiment le principe d'atelier de partage. Et il n'y a pas de conférencier. Enfin, il y a une chose qu'il faut souligner, qui est importante, c'est que les personnes qui interviennent, elles font de manière relativement anonyme, parce que je ne sais pas si vous l'avez rappelé, mais elles ne donnent que leur prénom. Bon, ça peut apparaître un peu artificiel, parce que pour certains qui sont très connus, voilà, les gens finissent par dire « Ah, mais c'est qui, là ? Est-ce que c'était intéressant ? Ah bon, ils ont écrit des livres ou elles ont écrit des livres ?» Mais on a quand même tenu à ce principe d'un relatif anonymat pour dire « Mais il ne s'agit pas de personnaliser, mais il s'agit vraiment de mettre en évidence... des savoirs et des savoir-faire davantage que des personnes. Donc ça, c'est quand même une dimension intéressante. Et on a eu aussi cette réflexion sur comment faire en sorte qu'il y ait une véritable accessibilité de ces savoirs sans que ce soit jargonnant, sans que ce soit trop académique, sans que ce soit, par exemple, trop universitaire pour ce qui concerne les universitaires qui interviennent. Et donc, à plusieurs reprises, d'ailleurs, on a eu ces discussions sur telle ou telle personne. Est-ce que, par exemple, dans la charte, à un moment, on s'était dit, est-ce que, on se dit, il faut pas utiliser de concepts trop compliqués qui seraient pas accessibles. Et finalement, on l'avait pas fait figurer dans la charte parce qu'on s'était dit, il y a des concepts qui sont incontournables dans certaines disciplines. Il faut les affronter, mais il faut pouvoir, justement, en faire un usage le plus transversal possible. Bon. Donc ça c'est vraiment je trouve que si ça marche aussi bien, et là aussi c'est un enjeu important qui n'est pas seulement pragmatique, c'est qu'on a un lieu incroyable. On a déjà une équipe incroyable, on l'a dit, mais on a aussi un lieu incroyable où voilà, c'est ouvert, donc les gens passent, viennent, s'arrêtent, et donc c'est sûr que par moment il y a eu jusqu'à 200 personnes, surtout le week-end, c'est complètement fascinant. Et donc la question, c'est comment on va faire, si on veut continuer dans cette perspective, comment on va faire si on dispose plus d'un tel lieu. Et ça pose une question absolument fondamentale par ailleurs, de manière plus générale, c'est il nous faut des lieux du politique, il nous faut des lieux du savoir en dehors des périmètres justement déjà tout tracés, déjà très académiques. Et la dernière chose que je voulais dire par rapport à l'évolution même des ateliers, c'est que ce qui m'avait frappé, mais c'était les tout premiers jours. C'était complètement paradoxal, c'est qu'on avait dit justement c'est partage des savoirs loin des sphères académiques, même s'il s'agit pas de récuser les gens qui sont par profession chercheurs, universitaires, enseignants, je sais pas quoi. Le but c'était pas de reproduire, c'était justement pas tout à fait des universités populaires qui existent déjà et qui font bien leur boulot. Et les premières séances finalement, malgré les appels à volontaires, les premières séances avaient été assurées par des enseignants ou des chercheurs, ou des enseignants-chercheurs, etc. Et notamment pas mal d'historiens. Mais ça, c'était le tout début. Et ce qui est génial, c'est que justement, et là, ça a une force politique vraiment intéressante, c'est que peu à peu, il y a eu une véritable diversification, non pas seulement des publics, tu as eu raison de le souligner, mais aussi des intervenants. Et ça pose la question justement de la légitimité. Tout un chacun ou chacune se dit, voilà, moi, sur telle question, je pense que je peux mettre en partage ce que je sais. Et donc, c'est quand même une toute autre vision de la société, puisque c'est une vision qui décloisonne, qui déhiérarchise. Ça, c'est fondamental aussi, je trouve, comme expérience, et elle est vraiment très, très fructueuse. Oui, non, juste pour rebondir sur la question de la place. Mis à part en hiver où il fera très froid et où il faudra en effet se poser cette question-là, sinon il y a toujours la possibilité de toute façon d'obtenir des autorisations pour être là sur la place jusqu'à maintenant. Ah oui, c'est cet aspect-là qui est important dont on n'a pas parlé encore. Il y a le rapport avec la police, du coup sur la place, avec Nuit Debout, avec les problèmes qu'il y a pu y avoir pour... Donc, comme tu le disais au début, les choses restaient sur place et puis ensuite ils ont tout enlevé le matin. Donc du coup, à chaque fois, on revient avec le matériel pour reconstruire un petit peu, soit avec des murs, avec des bâches quand il pleut, ou sinon juste avec des affiches pour essayer de recréer le lieu que les personnes qui viennent pour la première fois sachent un petit peu ce qui se passe ici. Et Ce qui est assez intéressant là, c'est depuis 2-3 semaines, on a eu à peu près aucun problème vraiment pour s'installer. Bon, des fois on n'a pas le droit d'installer les affiches, mais dans tous les cas on peut mettre la sono, on peut s'asseoir, les personnes peuvent venir parler. Donc en soi, je pense que finalement sur la place tant que les températures permettent aux gens de rester là dans la journée. Ça posera pas de problème autrement. Et par rapport aux intervenants qui n'interviennent qu'avec leur prénom, ça c'est vrai que c'est quand même quelque chose de fondamental, même si en effet des fois les il y a aussi eu des universitaires qui sont venus et qui ont fait passer le message au sein de leur réseau comme quoi ils venaient intervenir ici. Sinon le fait que la personne qui prend la parole sur un thème ne présente pas son statut ou sa fonction, c'est quand même assez important. Et d'ailleurs, on s'en rend très vite compte. Hein. C'est vrai que c'est assez magique. Dans le public, il peut y avoir quelqu'un qui dit « Non, mais moi, je suis pas du tout d'accord sur ce truc-là. » Et c'est très, très loin de l'aspect un peu aseptisé universitaire. Quoi. C'est fondamentalement différent, oui. Et puis certains professeurs aiment se prendre au jeu. On a constaté que c'était intéressant pour eux de venir essayer de donner, pas en cours justement, mais de s'essayer à une nouvelle forme d'auditoire. Et justement, des contestations directes, ils n'en avaient pratiquement jamais eu, parce que normalement, ils sont face à des universitaires ou des gens qui n'osent pas forcément prendre la parole comme un individu pourrait le faire sur la place librement en contestant complètement une théorie ou quelque chose du genre. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour eux. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions sur voilà, l'organisation, comment ça se passe. Et puis sinon, moi ce que je me demandais, c'est si vous pensez continuer cet été, si sur la durée là vous êtes, enfin vous avez déjà envisagé des choses ou des même d'autres, enfin vous restez sur ce modèle-là ou vous essayez d'envisager d'autres formats, de le délocaliser aussi peut-être ou de le faire parfois ailleurs parce qu'il y a à d'autres endroits. Moi je vais souvent la nuit debout de Saint-Denis. Voilà. Bah, c'était un petit peu le rôle aussi de la réunion d'aujourd'hui parce que dans tous les cas cet été, oui, enfin d'ailleurs c'est assez amusant parce que comme on est tous partis plusieurs fois, des fois pendant une semaine, pendant deux semaines, on se disait, mais quand on va revenir, est-ce que finalement ce sera encore là? Et bon, bah oui, c'est encore là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, tous les dimanches, tous les créneaux de la semaine suivante sont pris. Donc, et ça, depuis le début. C'est assez étonnant la façon dont ça se relaie et dont ça se continue par la forme. Il n'y a pas un moment où on s'est retrouvé non seulement avec trois semaines d'avance, par exemple, ou avec juste... plein de créneaux libres la semaine prochaine, à chaque fois. D'une semaine à l'autre, ça se fait tout seul, et ça, c'est assez incroyable, enfin. Et oui, pour délocaliser, bah, on voulait vraiment savoir ce qui se passait ailleurs aussi. On s'était posé la question dans les autres Nuits Debout, est-ce qu'il y avait déjà des formes comme ça qui existaient. Est-ce qu'on pouvait, par exemple, non pas forcément aller dans d'autres places avec les intervenants déjà qui avait demandé d'intervenir ici, mais rien que proposer notre matériel pour aider à ce que ça se mette en place ailleurs. Parce que bon, l'important c'était aussi de pas arriver avec ce qu'on a déjà en voulant l'amener tout fait, quoi. Mais plutôt savoir un petit peu ce qui se passait. Il y a certainement d'autres formes d'ailleurs dans les autres Nuits Debout qui existent, et c'est là où on essaye, notamment avec aujourd'hui, on a envoyé un mail aux autres Nuits Debout et aux associations qui existent autre part dans la France ou en banlieue. Et donc voilà, c'est aussi dans ce but-là qu'on a fait la réunion d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup ? Et du coup, sur les perspectives d'évolution, ce genre de choses, c'est vrai qu'on avait pas mal discuté aussi à un moment de qu'est-ce qu'on fait des savoirs pratiques. Parce que du coup, il y a eu quelqu'un qui est venu faire de la boxe, par exemple. Et c'est vrai que on n'a pas vraiment exploré ce champ-là. Et on s'est posé la question de savoir si est-ce qu'on faisait des interventions pratiques à côté, enfin en parallèle. Et on s'est dit que c'était peut-être mettre en concurrence aussi les savoirs pratiques, les savoirs théoriques. Et du coup, enfin voilà, je pense qu'on est encore en questionnement sur ces choses-là aussi, de savoir, enfin, qu'est-ce qu'on fait de ça et comment on essaye d'intégrer ça à ce qu'on fait, quoi. Oui, après, c'est là pour l'instant, il y a une formule qui fonctionne. On a expérimenté une deuxième formule avec la boîte à questions qui fonctionne très bien aussi. Maintenant, effectivement, c'est arrivé à. C'est des choses qu'on se pose en réunion tous les dimanches soirs. Créer des formes plurielles, en fait, pour permettre tous les savoirs de s'exprimer, quoi. Que ce soit des savoirs plus pratiques, plus théoriques, etc. Bon, là, c'est en cours d'évolution. On est réceptif à tout conseil, toute proposition. Bon, voilà. Est-ce que parmi les questionnements qui ont été proposés au cours de vos rencontres, des questions concernaient justement la question de l'éducation elle-même, l'état de l'école aujourd'hui, des universités? Est-ce que c'est un regard méta sur l'éducation qui a été proposé ou pas au cours de vos discussions? Alors par rapport à ça, il faut savoir qu'à Nuit Debout, il y a aussi une commission éducation qui vraiment planche sur ces sujets-là. Donc je crois qu'ils sont intervenus une fois à Éducation Populaire, la commission... En tout cas, il y a une partie de cette commission qui était intervenue sur les jeunes isolés et l'accès justement au savoir pour ces jeunes, donc qui proposait par rapport à ça des choses assez concrètes. Et donc c'est vrai que ce qui est intéressant aussi dans cette commission par rapport aux autres commissions de Nuit Debout, c'est que l'organisation de cette commission est vraiment sur un plan d'organisation. C'est-à-dire, je vais expliquer. On débat pas sur les intervenants, on peut débattre entre nous, mais ça n'a pas d'impact sur l'organisation, ce qui a pu être dit par les intervenants. On suppose aussi, quand je disais tout à l'heure qu'on a jusque maintenant pas refusé une seule intervention, il y a des intervenants qui sont venus parler aussi vraiment de leur expérience personnelle, et il peut y avoir des fois des réactions dans le public assez tranché par rapport à ça. Et donc on part du principe quand même que chacun vient avec sa, alors je veux dire conscience critique, mais c'est pas le terme, mais enfin voilà, chacun, comme la personne qui intervient n'est pas en tout cas dans le format qu'on propose représentante d'un savoir, du coup n'importe qui en l'écoutant en fait quelque chose pour lui. Et donc on n'a pas parlé de la modération, qui est quand même très très importante. En fait, à chaque intervention, on a dans l'organisation un modérateur ou une modératrice qui, avant l'intervention, donc demande aux gens qui sont là de se rapprocher, de s'asseoir, qui invite à la bienveillance envers tous ceux qui prennent la parole, tous ceux et toutes celles qui prennent la parole, donc pas seulement l'intervenant, mais tous ceux qui vont aussi parler après. Celui ou celle qui fait la modération, dans tous les cas, ne prend jamais position par rapport à ce qui est dit dans un sens ou dans un autre. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs par rapport à ça, c'est que ça se fait tout seul finalement, parce que le public, faut dire que le micro en soi est un bon élément pour ça, ce qui fait que chaque personne, on lui donne le micro. Et donc du coup, elle s'exprime dans le micro, et quelqu'un d'autre prend le micro après. Et des fois, il faut repréciser que tout le monde pourra prendre le micro. Mais c'est quand même en soi, c'est un rôle assez important. Et oui, ce qui est, par rapport à la modération, des fois, il y a des interventions sur lesquelles finalement, on a presque pas modéré. les gens se passaient le micro entre eux et l'intervenante ou l'intervenant rebondissait dessus ou pas, et ça circule finalement assez vraiment bien. Enfin, il y a très peu de... Bon, il y a eu quelques fois où certaines personnes ont monopolisé un peu plus la parole, là autant du point de vue des intervenants ou des intervenantes que des personnes dans le public, et dans ces cas-là, voilà, on est obligé de dire bon, pour faire passer la parole, faut vous arrêter. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que le public le dit aussi. Enfin, voilà, sinon on arriverait dans... Il n'y a pas de... Comment dire de rapport de force, voilà, entre celui qui fait soit l'intervenant, soit le modérateur, la modératrice, et les autres personnes qui souhaitent s'exprimer dans le public. Ça fait vraiment toujours consensus. Ouais, non, mais c'était juste une remarque. Je trouvais que c'était que le principe est assez génial et qu'il pourrait être repris dans plein d'endroits. Parce que souvent, ce qu'on déplore, c'est le fait que les savoirs circulent pas, mais le système, bon, que ce soit à la place de la République ou ailleurs, ce système-là, effectivement, avec le micro, je me dis, on pourrait le faire dans plein d'endroits où... C'est ça qui est génial, en fait. C'est de se dire que... Là, je pensais, par exemple, je suis aussi dans une association d'éducation populaire à Saint-Denis, donc on a la Bourse du Travail de Saint-Denis, qui est un lieu très ouvert, donc on a souvent un lieu. Et là, on va faire un truc sur le foot, le 9 juin, et sur le football business, football populaire, si vous voulez venir d'ailleurs, mais avec des entraîneurs de Saint-Denis. Mais je me disais, pour par exemple toucher les gamins, on va essayer de faire venir les gamins des clubs et les gamines des clubs. Cela dit, ça aurait plus parfois de sens de le faire par exemple directement au stade, c'est-à-dire avec un samedi après-midi par exemple au stade, pour qu'il y ait le débat. Et souvent on est un peu nous on est souvent on sent limité ou contraint par le lieu ou la salle. Et en fait, avec ce dispositif, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on l'est beaucoup moins. Et que ce problème-là, il peut disparaître. Bon, il y a toujours la question de la météo, mais cela dit, ça pourrait être dans un gymnase. Enfin, tout devient en fait beaucoup plus facile, quoi. Et c'est vrai qu'on se mettait aussi peut-être dans Savoir en Action, on en parlera tout à l'heure, mais peut-être un peu des barrières, de contraintes techniques, matérielles. Et là, ce que je trouve le plus bel apport, c'est de se dire qu'en fait, vous faites un travail énorme, hein, je pense que on s'en rende compte, mais cela dit, l'idée est assez, c'est ça que je trouve génial. Ça ouvre énormément de perspectives, en fait. Moi, je trouve ça très important que ce soit effectivement sur une place ouverte. Parce que on réfléchit depuis quelque temps sur l'éventualité de la fin de Nuit Debout et puis du fait qu'on soit plus toléré sur la place de la République. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a comme solution de repli si on veut continuer? Et effectivement, après, il y a des salles, etc. Mais ce qui justement fait la magie de cet emplacement, c'est que c'est le tout venant. C'est vraiment le tout venant. Donc effectivement, on a affaire à des gens qui viennent spécifiquement pour ça, comme des gens qui promènent leurs chiens ou qui squattent la place de façon quasi permanente. Et tous ces gens-là peuvent intervenir. Le fait de se déplacer dans une salle, du coup, ça nous couperait de ce public-là. Donc après, il y a les parcs, il y a la place du Trocadéro, qui est fantastique aussi. Donc oui, on a dans Paris quand même des endroits où on peut le faire. Mais je crois que la formule plein air, place passante en tout cas, du tout venant, en fait, est assez primordiale dans la réussite de ce dispositif. Puis quand même, enfin, ça a pris naissance avec Nuit Debout, et ça fait entièrement partie de Nuit Debout. Donc, comme Nuit Debout est ta place de la République, c'est, Debout Éducation Populaire n'aurait pas existé sans Nuit Debout, et n'existe après. De toute façon, enfin, la question ne se pose pas maintenant de savoir ce que va devenir Éducation Populaire, tout comme la question ne se pose pas, enfin, pour moi, après, il y a différents avis là-dessus, de ce que va devenir Nuit Debout. Le fait que déjà ça existe maintenant en soi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est pour ça que je dirais, le fait que les n'importe qui puisse venir, et il y a quand même d'abord le lieu de rencontre qui a été permis par Nuit Debout, et c'est aussi fondamental, et c'est ce qu'on retrouve dans Debout Éducation Populaire aussi. C'est que au-delà des interventions, des échanges dans le public, ce qui est très intéressant. Très souvent, après les interventions, enfin une intervention, on passe à l'intervention d'après, mais les gens, du coup, se retrouvent en petits groupes pour discuter de l'intervention d'avant. Enfin, voilà, chacun se rend compte sur ce qu'il a entendu, sur ce qu'il... Sur ce qu'il pense de ça, sur son expérience personnelle. Et donc, il y a les interventions, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Et les deux sont dépendants, quoi. Oui, moi aussi, je suis très, très convaincue par l'idée de la place ouverte, parce que ça fait partie quasiment du principe politique, c'est-à-dire que même si on a des bourses du travail, moi j'aime bien l'idée de bourses du travail, de récupérer en fait le sens historique, originel des bourses du travail, c'est-à-dire justement des partages dans une perspective aussi de lutte, je vais y revenir, c'est très important symboliquement de ces lieux-là et de réinvestir ces lieux-là. Mais mine de rien, c'est comme pour tous les lieux culturels en général, ben il faut passer la porte, quoi. Passer la porte, ça peut être difficile. Et donc là, on est vraiment d'emblée dans un rapport d'inclusion, et ça correspond tout à fait. Enfin, ce qui est génial, c'est que le fond et la forme sont parfaitement imbriqués dans cet espace de la place de la République. Enfin, avec les limites dont on a déjà parlé, c'est-à-dire la place de la République du point de vue sociologique, en écho à la question que posait Cécile. Bon, il y a aussi, bien sûr, il y a un périmètre sociologique qu'il s'agit de plus en plus de dépasser. Nuit debout, il travaille beaucoup depuis longtemps, enfin depuis quelques temps. Mais après, la question dont on peut peut-être discuter, c'est aussi quel est l'objectif. Enfin, ça paraît basique, mais qu'est-ce qu'on veut. Et donc, ça fera aussi peut-être tout à l'heure la transition avec Savoir en Action, mais... Est-ce que, et c'est déjà énorme, on se dit que justement les savoirs n'ont lieu qui leur sont officiellement dédiés et qui sont par définition exclusifs parce que ils sont clôturés, il faut s'inscrire, même les universités populaires, bah, il faut s'inscrire, il faut payer une cotisation, etc. Et donc c'est d'emblée un périmètre bien délimité. Et donc partage des savoirs, c'est déjà se sentir renforcé à la fois collectivement et individuellement par cette mise en commun. Bon. Et donc savoir que justement tout un chacun a cette légitimité à prendre la parole et c'est en soi formidable. C'est en soi justement une façon de subvertir l'ordre social tel qu'il est. Ou alors, est-ce que c'est un objectif qui est dans ce prolongement mais aussi plus... Je ne sais pas si c'est plus précis, mais qui a un objectif encore plus directement politique, c'est-à-dire de mettre en partage des savoirs critiques. Tu parlais de conscience critique tout à l'heure, Adèle. C'est une question que je me pose. Précisément parce que EducPop Debout s'est inscrit dans le cadre de Nuit Debout, globalement, toutes les interventions se sont elles-mêmes inscrites dans justement ce sillage d'une perspective critique. Pas au hasard, justement, toutes les interventions qui ont eu lieu sur l'histoire des révolutions, l'histoire des mouvements sociaux, l'histoire des grèves, sur la décroissance, sur la nouvelle raison du monde, sur le néolibéralisme, sur voilà. Mais pas seulement, vous l'avez souligné, d'ailleurs ça fait vraiment partie de la question, c'est-à-dire est-ce que nous on a vocation, sur les savoirs pratiques, moi je suis aussi convaincue, mais la question c'est comment on les... quel est l'objectif qu'on leur donne ? Par exemple, la boxe, est-ce que l'objectif, c'est... j'en sais rien, peut-être que c'est trop restreint comme perspective, peut-être que c'est vraiment trop réducteur ce que j'avance, mais est-ce que la boxe, c'est aussi une façon d'apprendre à nous défendre face, dans un contexte où les services d'ordre, c'est une question compliquée, dans les manifestations, etc. Vous voyez, est-ce qu'on en fait un objectif politique en lien avec la situation actuelle, en lien avec une situation qui est elle-même critique et où il faut déployer des savoirs critiques et représenter une force collective, auto-organisée face à moi, ce que j'appellerais, très schématiquement, mais un ennemi qui est lui-même très, très organisé et qui prétend détenir le savoir, qui prétend détenir la vérité de l'ordre social, qui prétend avoir ses intellectuels qui monopolisent très largement la parole dans les médias, etc. Ça, c'est vraiment une question qui me semble importante. Moi, j'ai pas envie de la trancher, mais j'ai vraiment envie, en revanche, qu'on exprime un avis là-dessus. Oui, peut-être un des rôles fondamentaux, c'est la transmission de savoir et aussi d'information. C'est-à-dire, je pense par exemple à une intervenante qui est venue parler de l'histoire des prisons. Et les prisons des jeunes. Et alors, il y a eu ça, il y a eu aussi une intervenante qui est venue nous parler de la prostitution humaniste. Enfin, des points de vue, des mises en perspective, des expériences que je crois nous tous, nous toutes dans l'organisation, on n'avait jamais entendu. Et d'ailleurs, on regardait tout le monde était sidéré en fait d'avoir connaissance de ces choses-là qui ne circulent jamais, qui ne s'entendent jamais, j'ai envie de dire ailleurs. Et donc ça, c'est un rôle fondamental. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu dis du point de vue politique, moi je le penserais dans la forme justement d'une information autre qu'une information médiatique. Donc il y a certainement un aspect, on l'a bien vu dans les interventions, un aspect actuel qui se passe sur le monde actuel, sur Nuit Debout aussi, il y a eu des interventions critiques sur Nuit Debout, mais aussi, d'ailleurs, l'intervention sur la boxe, ce qui était, donc il y avait une mise en pratique, mais tout d'abord c'était la boxe comme, je ne sais plus exactement le titre, mais en tout cas c'était comme mouvement non violent, c'est-à-dire comment utiliser son corps et son agressivité aussi de façon non violente par la boxe. Donc voilà, toutes ces choses-là. Après, il y a la dimension politique, elle arrive un petit peu dans ce qui est dit, enfin dans le fait que ces informations-là ne circulent pas ailleurs, et du coup forcément ça crée un décalage de perception par rapport à ce qu'on peut entendre, qui quand même est assez répétitif. Non, je voulais dire qu'effectivement, la majeure partie des interventions auxquelles j'ai assisté, c'était toujours quand même un peu thématisé dans la perspective politique, de toute façon. Mais je pense que ça tient au fait qu'on soit ici, sur cette place, dans ce moment. Donc c'était beaucoup sur la Commune de Paris, sur la question de la légitimité de la violence dans les mouvements populaires, insurrectionnels, sur la transition en agriculture, etc. Donc on est quand même... on n'a pas parlé des peintres flamands de la Renaissance, par exemple, parce que je crois que personne n'a pensé à parler à ça, de ça, parce que c'était pas le moment, peut-être. Il y avait Musée Debout. Non. Après, il y a d'autres commissions, mais au sein de notre commission, parce qu'on a eu effectivement ici beaucoup de choses. Mais dans notre commission, les interventions sont quand même très orientées vers le social, la politique, l'histoire, mais dans une perspective un peu soit révolutionnaire, soit critique. Ça se fait un petit peu de facto, quoi. Voilà. Et par rapport à l'aspect information, ce qu'on a oublié de dire, c'est que toutes les interventions sont enregistrées. Et donc sont diffusés sur le site de Debout Éducation Populaire, aussi sur YouTube, sur Facebook, et on a aussi une boîte mail, ce qui fait qu'on reçoit aussi beaucoup par mail des demandes d'intervention pour des personnes qui savent ce qui se passe ici, mais ne sont peut-être pas encore venues, ou par le bouche à oreille aussi, entre des personnes qui sont déjà intervenues, qui en parlent à d'autres, et ces autres personnes nous envoient un mail. Et donc... c'est assez lié au fait qu'on soit à Nuit Debout, que les interventions visent surtout une vision critique de la société actuelle, mais pas que. Enfin, il n'y a pas eu que ça. Bonjour Nicolas, j'avais juste une question par rapport à l'éducation populaire debout et savoir en action. J'ai manqué le début de la séance, je voulais savoir le lien entre les deux dispositifs, quoi, et qu'est-ce qui les différencie ou quel est le lien. Voilà, tout simplement, parce que moi j'ai reçu un mail de savoir en action, d'une assemblée aujourd'hui de savoir en action, après je vois qu'il y a éducation populaire debout, donc voilà, je voulais juste... avoir plus de renseignements sur les deux choses. Merci. Peut-être que ça peut clarifier la ligne politique ou je sais pas. En fait, c'est le but de la journée d'aujourd'hui, de répondre à cette question. Parce que ce qu'on voulait faire, enfin, peut-être tu pourras en dire un petit peu plus, c'était savoir ce qui existait déjà et voir de quel, voilà, échanger sur la façon dont ça se passe et savoir de comment est-ce qu'on va le poursuivre aussi. Il faudrait lire le texte aussi. Oui, en effet. Donc, on a envoyé. Donc, on a une petite équipe d'animation pour savoir en action. Bon, on continue à parler de savoir en action, même si, par parenthèse, vous l'avez peut-être vu dans le mail, c'est très intéressant dans le rapport à la propriété, y compris la propriété des noms, voilà, des noms des associations. En fait, assez rapidement, quand on a déposé les statuts d'association, on a été menacé d'une procédure parce que une petite entreprise d'une seule personne d'ailleurs, mais qui propose, d'après ce qu'on a compris, des espèces de formations de management, s'appelle comme ça, savoir en action, et donc il nous a d'emblée envoyé un avocat et nous a mis en demeure. Donc bon, donc officiellement il a fallu changer le site, etc. Mais bon. Je pense qu'on peut assumer l'idée que quand on en parle, c'est toujours savoir en action parce que ça a un sens. Donc pour savoir en action, mais peut-être que Cécile, tu pourrais éventuellement relire le texte pour que tout le monde ait en tête les attendus. En fait, on est justement quelques-uns et quelques-unes à avoir pris part, enfin pour ce qui me concerne, d'une manière beaucoup moins efficace que Adèle, Fabrice et les personnes qui ont parlé juste avant, mais quand même qui justement trouvaient que dans ce qui se passait à République et en particulier cette commission, ces ateliers Éduc Pop debout, on retrouvait tout à fait l'esprit de savoir en action. Et donc on a trouvé que ça serait bien de travailler le plus possible ensemble et pourquoi pas. Après voilà, ça c'est très ouvert, hein, c'est pourquoi pas faire quelque chose véritablement en commun, puisque c'est vraiment l'esprit, et, enfin la charte d'Éduc Pop debout et le texte qui a fondé Savoir en action sont extrêmement proches. Mais nous, on a rencontré justement des difficultés, et finalement ces difficultés, elles sont aussi pour partie surmontées par la discussion qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire on s'est posé, il y a eu des problèmes liés aux attentats, liés aux maladies des unes et des autres, des trucs personnels et en même temps assez collectifs, qui fait qu'on n'a pas pu être aussi actifs qu'on l'aurait voulu. Une autre raison, c'est aussi que, un peu paradoxalement, parce que savoir en action, c'est quand même l'idée de justement d'énergie mise en commun et de partage, on s'est retrouvé face à une situation qui est certainement... pour partie normale, entre guillemets, mais c'est que les personnes qui avaient signé, qui avaient rejoint le texte, qui avaient participé aux premières réunions, etc., elles étaient plutôt en attente de propositions et pas forcément elles-mêmes force de proposition. Et donc, on avait une petite équipe d'animation qui a été affaiblie par des raisons justement diverses, très, très personnelles, mais souvent graves, ce qui fait qu'on n'a pas forcément pu aller jusqu'au bout de la mise en œuvre. Et puis, par ailleurs, on s'est posé, comme il faisait allusion Cécile, on s'est peut-être mis des obstacles qui n'avaient pas forcément lieu d'être à ce point, c'est-à-dire où est-ce qu'on se réunit ? Est-ce que c'est dans les bourses du travail ? Est-ce que c'est dans des cafés, type le lieu-dit, avec des inconvénients et des avantages dans les deux cas ? Donc il faut réfléchir justement à l'idée de place. Et par ailleurs, juste pour terminer cette façon de lancer aussi la discussion pour faire transition. Mine de rien, on a quand même eu des échanges parfois assez virulents. Ça, je pense qu'il faut mettre les pieds dans le plat, et parce que ça fait vraiment partie des enjeux majeurs de ce qui nous anime. Des échanges avec assez virulents, y compris avec des enseignants chercheurs qui se sentaient mis en cause dans leur pratique d'enseignement, parce que nous, ce qu'on veut dans Savoir en Action, c'est justement pas faire des universités populaires. C'est pas le même principe. C'est voilà, on se réunit là. Bon, quelqu'un peut faire une intervention assez courte, mais l'idée c'est qu'on mette vraiment en partage nos connaissances sur un même sujet. Il ne s'agit pas du tout de récuser le fait qu'il y ait des spécialistes, qu'il y ait des compétences particulières, mais il n'y a pas que des enseignants qui ont ce savoir. Il y a des syndicalistes, il y a des militants associatifs, et il y a des gens qui se sont passionnés pour un sujet, qui sont investis d'un point de vue politique, ou voilà. Et donc on a senti certaines réticences. Et là aussi, je mets les pieds dans le plat. J'espère que personne n'y verra ombrage. Moi, ce qui m'a un peu surprise, et j'ai la plus grande admiration pour Bourdieu, c'est que parfois, ces critiques vis-à-vis de la démarche, elles venaient de de gens qui se reconnaissent vraiment dans la pensée et la pratique de Bourdieu. Donc ils s'interrogent évidemment sur mais d'où on parle, qui nécessite toujours de se demander d'où on parle, quels sont les effets de domination qui sont exercés à partir du moment où on prend la parole, quels sont les dispositifs justement qui enclenchent ces effets de domination ou de légitimité non partagée. Et parfois, non, je ne fais pas du tout de généralité, hein, c'est pas tous les bourdieusiens de la planète qui se sont mis à critiquer le projet, mais certains. Et en fait, ça, je pense que ça nécessite de continuer la discussion, parce que tout à l'heure on disait, mais face à qui finalement on propose ce type de démarche ? C'est-à-dire, voilà, moi je pense que c'est notamment en particulier face aux médias dominants, face aux responsables politiques qui nous gouvernent et qui instaurent cet ordre que l'on conteste. Donc ça, c'est la priorité. Mais à titre secondaire, quelque chose aussi qui est important, c'est de remettre en cause, moi je suis enseignante, hein, donc voilà, c'est remettre en cause parfois nos propres pratiques quand on est enseignant ou quand on est chercheur, etc. Enfin, donc décaler nos pratiques, c'est ce qui a été rappelé notamment par Adèle tout à l'heure. Enfin, voilà, on demande aussi parfois à des universitaires de s'ajuster à toute autre chose, et c'est pas forcément évident. Donc ça a été un obstacle, parce que très vite... Après la première assemblée générale qui avait été un grand succès en juin de l'année dernière, il y a des universitaires comme ça, notamment des chercheurs, hein, qui nous ont dit oui, mais on se sent un peu mis en cause dans l'idée que il y aurait justement pas de chaire, pas de tribune, pas de. Enfin, je suis presque en monopolisant un tout petit peu le micro, je m'arrête de reproduire ça, mais justement. Personne n'est d'un côté à exposer du haut de son savoir le dit savoir. Je sais pas si... Patrick, je voudrais dire que il y a un enjeu dans savoir théorique et savoir pratique. Quand tu dis qu'on lutte contre un ennemi, on lutte contre un ennemi. Et si on fait savoir théorique et savoir pratique, la question qui se pose, c'est tout un ensemble de remises en cause aussi de façon de faire. Et là, je parle du pôle dominant des universitaires, des chercheurs. Alors, c'est effectivement des universitaires et tout ça qui ont l'habitude de parler du haut d'un bureau où je vois très bien un certain nombre de personnes, rien qu'à voir leur corps stalinien engoncé dans leur distance, etc. Donc, et ils prétendent faire de la sociologie critique, mais en fait, ce sont des sortes de petits bourgeois fascistes qui se cachent et qui méritent véritablement toute une sociologie très critique de ces corps physiques et de ces habitus, de ces façons de penser qui sont dégoulinants de pouvoir, dégoulinants de... Et on le voit actuellement à travers le mouvement des doctorantes parisiens notamment, où tous ces gens-là utilisent la menace, la pression, fais gaffe à ta carrière, tout en se revendiquant de Bourdieu, tout en se revendiquant de la sociologie critique. Mais ce sont voilà des acteurs de pouvoir. Et je pense qu'il faut vraiment aussi, quand on a ce champ-là, de voir que... Effectivement, il n'y a pas d'un côté une belle science théorique, un beau savoir théorique, et de l'autre côté, il y aura un savoir pratique dont on, déjà avec la différence, le verbe serait beau, la théorie serait pure, et puis de l'autre côté, il y a la pratique quand même qui a des scories, des gens un peu aliénés, des gens par rapport auxquels il faut quand même leur apporter une certaine forme de vérité, même si on est sur un... Alors, je vais m'expliquer par rapport à ça très concrètement. Je pense que la question du lieu, par exemple, reflète typiquement ce que Wilhelm Reich disait dans Écoute petit homme à l'époque des années 20, quand il essayait de mobiliser la classe ouvrière, entre guillemets, aliénée, qui était attentive à la montée en puissance du nazisme. Il voyait qu'en fait, eh bien, la question du lieu et des corps, des places, jouait énormément. Et bien sûr, on pourrait parler de la sexualité, toutes ces choses-là, la division du genre. Et je pense que le fait que vous posiez la question, par exemple, de quel lieu, je pense que c'est une forme d'autocensure. C'est intéressant de voir ça. Je le dis vraiment, mais comme ça, sans pédanterie ou quoi que ce soit. Je pense que l'effet d'aubaine qu'il y a avec la place, c'est génial. Et si on pouvait toujours parler dans les places publiques, ça serait génial. Sauf qu'effectivement, il y a un ordre dominant qui va utiliser le bâton pour dire vous dégagez la place, ou aller dans les stades, ou aux abords des terrains de football, etc. Et donc, du coup, le petit bourgeois va se recroqueviller dans des lieux où il est sécure et il va passer son temps à dire « Mais pourquoi ne viennent-ils pas tous ces dominés ? Pourquoi tous ces pauvres ne viennent pas ?» Alors quand lui-même est planqué dans sa bourse du travail, où il aura quelques prolétaires mandatés de syndicats, etc., le sous-prolétariat, les sortants de prison, les SDF, les prostituées, les jeunes de cité, etc., ces gens-là ne viendront pas. Et ils ne viennent jamais, comme ils ne viennent jamais au cinéma d'avant-garde, et ils vont voir plutôt le cinéma populaire aliéné. Et donc, la question, c'est aussi, dans ces formes de critiques sur les intellectuels, je pense que cette critique, elle n'est pas faite à l'université, c'est ronronnant, on est dans des autocensures, je parle encore avec plein de collègues qui disent, voilà, quand on se réunit, on peut pas dire les choses, tout se passe dans les couloirs. Non, les sociologues sont totalement aliénés eux-mêmes. Ils n'ont pas de parole de vérité quand on voit leur corps, quand on voit leur façon de se mettre à l'écart des étudiants, de les écraser, les dominer. Non, voilà, il y a vraiment ce courage politique à avoir. Et donc, qu'est-ce qu'on produit entre le savoir théorique et le savoir pratique? Qu'est-ce qu'on produit entre le local abstrait et la rue? Et par rapport à ça, je pense que les universités populaires, en tout cas, faudrait voir où elles se réunissent. Mais quand j'ai vu Onfray avec son université populaire dans un amphi avec une armée d'enseignants à la retraite, de petits bourgeois qui viennent écouter et prendre à la béquée le savoir de monsieur le philosophe, université populaire, ça? Franchement, pour moi, ça vaut que dalle. Donc, par contre, je pense qu'en termes de go-between, il y a vraiment toute une réflexion à faire. Et c'était ça, là où je voulais en venir. C'est-à-dire que, à condition que cet intellectuel, entre guillemets, cet universitaire pédant, castrateur, donneur de leçons, sûr de son savoir, sûr de sa sociologie, veuille bien descendre de son piédestal, on peut aller dans des centres d'hébergement d'urgence. On peut aller faire des débats dans des centres d'hébergement d'urgence. On peut aller faire des débats dans des centres fermés de jeunes qui... Il y a des travailleurs sociaux militants. Il faut s'appuyer sur ces travailleurs sociaux militants pour aller dans ces structures-là. Il s'avère que sur la question du savoir pratique, où on pourrait parler à l'inverse de tout simplement de savoir intellectuel, il y a des savoirs intellectuels populaires, on n'est pas obligé de dire savoir pratique. Là aussi, il y a vraiment un enjeu au niveau des catégories qui me gêne énormément, dans la mesure où finalement le sociologue, il tend aussi le micro pour avoir la vérité sur le monde social en disant « mais c'est quoi ?» Et donc du coup, il récupère ça aussi pour en faire ses articles. Et quand je vais dans les centres d'hébergement d'urgence, on doit faire des compromis. Et quand tu parles d'ennemis, c'est pas pour te dire « moi aussi, j'aimerais bien dire « lui, c'est un... » À l'université, lui c'est un ennemi à l'université, pas seulement les médias, pas seulement le pouvoir politique, mais à l'université. Et donc, aller voir des gens progressistes, on peut faire des débats, on peut rencontrer des gens dans ces structures-là, on peut négocier des droits d'entrée, et pas seulement être justement sur toujours cette zone d'autocensure, en disant, finalement, qu'est-ce qui nous reste comme local, etc. C'est déjà une pensée perdante, c'est déjà une pensée aliénée de s'interdire d'aller vers, et de se dire, moi, mon petit corps petit bourgeois, qui n'est passé que par l'école, et qui ne sait rien faire d'autre que tenir un stylo, et d'être dans des espaces aseptisés, de quelle manière je suis capable d'aller vers les prisons? De quelle manière je suis capable d'aller vers des structures où il y a ce prolétariat et ce sous-prolétariat? Je vais juste vous faire part d'un sentiment que j'ai eu par rapport au P et ce matin. Je peux comprendre que certaines... intellectuels, doctorants, enseignants, aient eu des réserves à venir ici parce que il y a une discussion, un débat chaque fois qui... D'accord. Il y a une discussion et un débat chaque fois qui s'instaure sur leur rôle, leur place, leur petit bourgeois, etc. Alors, je trouve que c'est légitime justement de se poser cette question, mais il me semblait qu'elle venait à chaque fois pas d'eux et pas suite à une de leurs interventions, mais par des anticipations d'une menace de se faire déposséder par les intellectuels à la recherche d'articles, etc. Et je peux la comprendre, mais je veux dire, refuser catégorie, si on dit on ne parle que de son prénom, etc., ça me semblait être un signe, entre guillemets, d'ouverture générale à tout le monde. Et évidemment... que les intellectuels sont tout autant aliénés que des ouvriers, des paysans, des classes politiques, etc. Voilà, donc je voulais juste faire part de ce sentiment-là pour que vous puissiez comprendre les freins que ça peut créer chez certains. Voilà, c'est juste ce que je voulais signaler. Je vais peut-être juste reprendre quelques extraits du texte qu'on avait fait pour Savoir en Action, qui a été l'objectif de base. Donc Savoir en Action se donne pour objectif de lutter contre les cloisonnements des connaissances. Cette association entend mettre en partage les savoirs en faisant le constat que chacune et chacun possède des savoir-faire, des formations, des connaissances nées des métiers, d'expériences et de luttes. Pour accroître notre compréhension du monde, il s'agit de mutualiser et d'en faire un bien commun. Loin du postulat selon lequel seuls certains auraient la parole autorisée, le projet est de rompre avec ce qui nous sépare, nous isole, nous enferme dans nos positions assignées, comme s'il s'agissait de fatalité. Le principe de Savoir en Action est que chacun et chacune, donc d'entre nous, peut donner et recevoir du savoir. Donc c'était le principe de base. Et effectivement, ça a soulevé plein de débats finalement. Alors qu'il y avait un principe de base qui était à peu près clair, et puis finalement, c'est moins facile que ça à faire. Moi, je pense que comme je suis géographe, je m'appelle Cécile, c'est pour ceux qui je me suis pas présentée. La question du lieu et la question de l'échelle, elle est importante en fait. Savoir en Action, là-bas, c'était un truc. Enfin, c'était quand même quelque chose dans la première. Première réunion, quelque chose de très très ambitieux en termes de taille, c'était national, il y avait un côté, enfin moi je pense que c'était quand même assez ambitieux. Par ailleurs, je suis dans une association d'éducation populaire locale à Saint-Denis, où il y a finalement, enfin il y a aussi, je trouve, une bonne échelle pour faire certaines choses, c'est parce que c'est plus simple à mettre en place. Bon, par exemple, là, dans un quartier populaire, enfin prioritaire de Saint-Denis, il y a un problème sur les services publics. Et là, sans faire du... par moment, il y a des savoirs, on va dire, entre guillemets, savants, intellectuels, qui ont une utilité très concrète. Je pense, par exemple, à la question, là, en l'occurrence, c'est la poste, le bus qui fonctionne mal, etc. Et donc, moi, ce que j'ai apporté, j'ai fait des recherches. Donc, j'ai fait mon travail de chercheur. Et j'ai été chercher ce que c'était que la délégation de service public. Évidemment, personne va se faire chier à aller regarder les contrats de délégation de service public. Et moi, je me suis dit, je suis chercheur, c'est mon rôle d'aller faire des trucs que les gens n'ont pas le temps de faire Et là, j'ai apporté tout de suite une sorte de savoir quasiment technique, qui est le savoir technique de la recherche. C'est-à-dire aller chercher des informations que des gens ont du mal, pas parce qu'ils sont idiots, pas parce que c'est hyper compliqué, c'est volontairement assez compliqué. Donc là, j'ai trouvé que c'était simple à mettre en place. Mais ce qui était problématique avec Savoir en Action, c'était que c'était à la fois très général, effectivement pas territorialisé, avec des débats qui des plein d'idées. Et en même temps, je trouve qu'à chaque fois qu'il y a après moi c'est parce que je suis géographe, mais à chaque fois je me dis qu'il y a un lieu ou un endroit, c'est vrai que les choses se font beaucoup plus naturellement, beaucoup plus facilement. Là, en l'occurrence, à Saint-Denis, il y a des débats sur l'école, il y a des débats on a des foot parce qu'il y a l'euro et c'est lié à la localisation aussi. On a fait quelque chose sur la laïcité parce que vous avez peut-être entendu que Saint-Denis, on avait parlé de Molenbeek-sur-Seine, que le Figaro, enfin que Saint-Denis s'en prend plein la tête régulièrement. Donc on a fait des choses qui étaient adaptées à la situation locale et il y a des liens avec des chercheurs, des collectifs, des habitants, des associations et tout ça fonctionne assez bien, assez naturellement en fait. Donc c'est vrai que pour Savoir en Action, moi j'ai eu il y a eu des doutes et c'est un peu lié à la taille de l'association ou de l'ambition très grande de l'association. Mais alors après, il y a eu la question peut-être de faire de Savoir en Action une sorte de plateforme de toutes ces initiatives-là, de recenser toutes ces initiatives. C'était une autre possibilité, donc qu'on peut débattre. Voilà, dont on peut débattre, pardon. Et voilà, donc c'est un peu la réflexion que j'avais là-dessus. Mais effectivement, les chercheurs, pour moi, ils ont. Il y a le fait de produire de la théorie, qui est éventuellement critique, mais il y a parfois des savoirs que je considère être quasiment techniques, c'est-à-dire chercher. et le mettre à disposition d'habitants, de collectifs, d'associations. Chercher, ça peut être aller se faire chier à rester, à lire tout un contrat de contrat de ville, ou du Grand Paris, par exemple. Le Grand Paris, c'est un truc illisible pour tout le monde, mais vraiment, c'est fait pour. Hein. Il y a plein d'institutions. Ben, le chercheur, pour moi, son rôle, il est d'aller aussi comprendre ça et essayer de le rendre lisible pour tout le monde, quoi, en fait, pour la majorité des gens. Donc c'était un peu ça l'idée. Mais alors donc là, le débat maintenant, c'est de savoir ce que peut devenir Savoir en Action, ce qu'on peut faire aussi ensemble, sachant que nous, finalement, on a un peu patiné, faut bien le dire, mais on est là pour ça aussi, pour en débattre. Juste là, je prends le rôle de modératrice pour les personnes qui viennent d'arriver. Je rappelle un petit peu, aujourd'hui, du coup, on parle des différentes formes d'éducation populaire qui existent ou d'autres formes de partage des savoirs et des pratiques. Et alors, je ne sais pas si dans les personnes qui viennent d'arriver, justement, elles connaissent certaines associations déjà qui travaillent là-dessus ou pas, parce que ce qu'on essaye de faire aussi là, c'est de savoir tout ce qui existe déjà. Donc juste n'hésitez pas à prendre la parole si vous connaissez des associations ou des organisations de ce type. Oui, je voudrais juste dire un petit quelque chose. Je pense que il faudrait qu'on puisse donner des périodicités pour se voir assez régulièrement, je ne sais pas, à nous de voir, mais une fois tous les mois, et que chacun vienne avec son savoir, ses questions, un peu comme ce qu'organisait Paolo Freire autour des cercles de culture. C'est-à-dire, voilà, on vient avec quoi, quelles questions on se pose, on cherche quel problème on se voilà quel questionnement on se pose, et on le découvre ensemble. C'est vraiment l'occasion de, en partageant, que les problèmes émergent et qu'on essaye de trouver les moyens d'y répondre ensemble. Donc tout simplement une question d'organisation, c'est voilà à quel type de période on va se réunir, combien de fois. Je pense que c'est important, et puis qu'on se donne des petits objectifs, mais pas fixés à l'avance. Voilà, à chaque fois qu'on se réunit, qu'est-ce qu'on a envie de partager, quelles questions on se pose, de quoi on a besoin, et puis on voit ce qui émerge, et ensuite voilà, on se redonne à nouveau des objectifs, mais qui sont très ouverts, ils ne sont pas prédéfinis à l'avance. Et là, en effet, voir aussi comment on va pouvoir agréger différents types d'associations qui travaillent, qui se posent les mêmes questions. Là, c'est vrai que pour l'instant, tu le disais, on a un peu patiné avec Savoir et Action. Je me souviens vous avoir envoyé un petit mail sur l'association de, dans laquelle travaille Franck Lepage. Alors, je me souviens plus exactement le nom de l'association, mais la question populaire. C'est le pavé, je crois, que ça s'appelle. Et il fait pas mal de choses. Il fait voilà des ateliers aussi autour de la désintoxication de la lampe de bois, essayer de partir aussi de ce que les gens savent, de leurs problèmes, etc. C'est vraiment un travail où nous pouvons nous reconnaître en tant que public qui nous posons des questions, qui avons des problèmes que nous souhaitons résoudre, mais il faut qu'on puisse les identifier. C'était vraiment voilà ce que je disais, cette démarche de Paolo Freire avec les cercles de culture, hein, c'est-à-dire vraiment partir de ce que les paysans se posaient comme question pour essayer de voir comment ils pouvaient agir sur leur environnement, leur contexte et transformer ça. Donc bon, voilà, tout simplement qu'on puisse se dire tiens voilà, on se voit tous les mois. Ensuite la question du lieu, bien sûr, elle se pose, un lieu comme ça c'est formidable. Mais pareil, je veux dire, les lieux peuvent changer, comme tu le disais, on peut se retrouver à tel endroit, peu importe, du moment qu'on puisse vraiment échanger en se donnant voilà, des petits objectifs, des simples, et puis on voit comment ensuite ça va grandir. Voilà, juste une petite remarque comme ça. C'était pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la place et aux espaces éventuels qu'on pourrait occuper. Ici, on a eu des intervenants qui nous ont demandé, qui nous ont sollicité aussi pour intervenir dans d'autres lieux. Notamment, c'était la semaine dernière, je crois, une personne qui est venue parler des jeunes isolés, justement sur la question aussi de l'accès à l'éducation, etc., et qui nous a demandé si on pouvait intervenir avec elle dans des foyers d'hébergement de jeunes isolés. Donc effectivement, c'est aussi ça fait partie des pistes en fait sur lesquelles on réfléchit. Non mais après, je vais peut-être plutôt poser des questions que de parler, mais moi ce qui me semble intéressant en fait, c'est que vous avez, en tout cas avec éducation, Educpop debout, d'une certaine manière, vous avez un peu réalisé ce qu'on aurait eu envie de faire de manière idéale. Moi, je me demande comment on peut articuler avec cette idée de peut-être que les membres de Savoir en Action ou Savoir et Action se retrouvent régulièrement et comment on pourrait articuler en fait nos deux pratiques, quoi, parce que voilà, c'est, je sais pas ce que vous en pensez, si à partir de ce qu'on a dit aussi vous avez des idées. Alors c'est un peu difficile de, je réponds là vraiment en mon nom, hein. C'est vrai que ce qui se passe ici, ça s'est fait un petit peu tout seul, pas totalement tout seul, mais petit à petit d'ailleurs, c'est en train de se modifier avec le temps. Enfin, ça se fait sur la place et sur place, j'ai envie de dire. Donc, même lors des réunions, on parle pas tant que ça d'une perspective d'avenir à long terme, au-delà des 2-3 semaines, parce que c'est aussi, enfin, je crois que c'est aussi la grande richesse de pas figer les choses. On s'était posé la question à la dernière réunion, association, point d'interrogation. C'est vraiment resté pour l'instant comme ça, point d'interrogation. Parce que, voilà, quelqu'un, c'était, toi je crois, oui, connaissait comment mettre en place une association, mais j'ai envie de dire, pour nous, c'est pas la question actuelle. Enfin, voilà, donc, là, ce qui est intéressant dans ce que j'entends, c'est que finalement, vous êtes en, je voudrais pas transformer ce que vous avez dit, hein, mais est-ce que vous êtes en recherche d'un lieu, d'une, enfin, peut-être du, je veux dire coopération, mais c'est un peu tendancieux comme mot, mais parce que ce qui existe là, est-ce que c'est transposable ailleurs tel quel? Nous, en fait, voilà, il disait tout à l'heure que la commission Jeunes Isolés nous avait proposé, enfin, nous avait demandé dans leur projet si on pouvait intervenir. D'accord, j'arrête les E. Merci. D'accord, j'enlève les E. Donc. Et. Ça, c'est de l'éducation populaire, mais tout à fait. Et c'est ça qui est génial sur la place, c'est qu'il y a beaucoup de choses comme ça, où il y a une intervention à l'extérieur qui nous fait nous poser la question de comment aussi on s'exprime. Donc je suis en lutte actuelle. Par rapport à la commission Jeunes Isolés, ce qu'on leur avait dit, c'est qu'on pouvait venir un petit peu apporter la façon dont ça se passe ici, mais que dans tous les cas, on n'allait pas venir avec un intervenant ou autre. Ce qu'on leur avait proposé, c'était le système de la boîte à questions qu'on a mis en place, c'est-à-dire proposer une question, ou alors que un des jeunes lance une question et qu'à ce moment-là, ils y répondent ensemble. Peut-être qu'on rebondisse aussi dessus, mais que ce soit vraiment l'échange en commun qui permette d'apporter un savoir. Ah, si, c'est pour que tout le monde entende. Une question sur quoi ? Une question sur ce qui les intéresse ? En général. Sur ce que les personnes qui sont sur place ont envie de se questionner. C'est-à-dire. Alors, non, mais je, voilà, parce que moi, vous le remarquez, je suis une vieille personne de notre âge très lointain, Et je vois toutes ces jeunes qui ne connaissent pas la vie, en fait, qui sont sortis à peine de leurs écoles, qui continuent d'être dans les écoles et qui ont l'air d'avoir tous les problèmes du monde et qui ont l'air d'avoir toutes les solutions du monde. Alors je voudrais savoir quelles sont les questions que l'on vous pose et quelles sont les solutions que vous avez l'intention d'apporter. Voilà. Alors, je vais parler en mon nom aussi, mais je crois que le rôle d'éducation populaire n'est pas forcément d'apporter des solutions. Pour moi, c'est un bon moyen de générer le lien social, de générer le vivre ensemble. Et pour moi, c'est ça force ma curiosité, mais d'un point de vue pas forcément personnel, de ce que je vais pouvoir faire de ma vie plus tard, mais juste mon intérêt. Et passer une journée à éducation populaire avec 4-5 interventions qui sont sur des thématiques différentes, c'est génial. Mais pas, ça m'apportera sûrement pas de solution, mais pour ma curiosité, mon intérêt personnel, c'est quelque chose de fou. Pour la boîte à questions, c'est justement de pouvoir générer un débat et un échange entre différents individus qui sont sur la place, une personne qui se questionne et une personne qui justement pourrait être plus apte à exprimer un point de vue ou à donner sur une thématique qui est libre. Voilà. En fait, c'est pas tant d'apporter des réponses aux gens ou d'en chercher. C'est plus poser une question et après réfléchir collectivement. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et l'idéal, c'est de repartir avec plusieurs questions, finalement. En se posant plusieurs questions. Enfin, c'est un petit peu le propre de la philosophie. On construit avec ça, mais on construit en élargissant un petit peu les idées qu'on peut avoir sur une question. C'est-à-dire que... C'est ça. Donc voilà, on vient avec une certaine idée d'une chose, on pose la question par rapport à cette chose, et puis collectivement, on va récupérer différents... Disons qu'on casse un petit peu, on essaie de casser les préjugés, les a priori, etc., justement en complexifiant, en nuançant, des choses comme ça. Voilà, c'est essayer d'en apporter d'autres, en fait, de complexifier. Dire à ces costauds qui sont capables de monter là-haut que ça sert à rien de salir liberté, égalité, fraternité, que c'est beau et que ce sont des gens, des artistes qui l'ont fait. Et ça résume à quoi ces saletés là-haut? Ça résume quoi? C'est une destruction inutile. Voilà. Alors essayez de leur montrer ce qui est efficace, qui les construit. Qui construit ce qu'ils auront derrière quand ils auront une famille ou quelqu'un ou un prof qui sait mener sa barque, qui sait mener sa troupe et qui aille vers le beau et pas vers les saletés, les déchirures. Après, enfin, nous on n'est pas là en tant qu'éducateurs. On anime quelque chose où un échange peut être possible. On peut discuter, etc. Mais on n'est pas là pour apprendre aux gens à vivre. Bon, on essaye d'apprendre à vivre collectivement. On essaye de poser des graines, mais en nous-mêmes aussi. Enfin, c'est vraiment la question de, comme on le disait, en fait, il n'y a pas quelqu'un qui vient apporter une vérité ou un savoir-vivre. C'est, on échange autour de ça, quoi. C'est vraiment ça. C'est complexe. Oui, moi, je voudrais revenir sur Savoir en Action. J'ai peu participé juste à la première assemblée. Mais j'étais très frappée par ce que vous avez dit tout à l'heure sur les gens qui ont demandé à venir faire un débat sur les jeunes, avec les jeunes isolés. Et je me demande si ça ne pourrait pas être un rôle de Savoir en Action, c'est-à-dire d'être une sorte de pool de gens qui ont des compétences, des envies de partage, etc., à qui ceux qui ont envie d'organiser un débat chez eux autour de telle ou telle question puissent s'adresser pour que ça soit répercuté. Voilà, il y a les jeunes isolés qui ont envie qu'il y ait un débat. Eh bien, ça fait toute une grande liste à qui on peut proposer ça, à tel endroit, on va faire ce débat. Autrement dit, être une ressource. Voilà, une ressource de connaissances et de partage, pas seulement entre les gens qui sont là, mais pour ceux qui Alors ça ne va pas se faire d'un coup, ça peut que se construire progressivement, mais je pense que cet objectif d'être une ressource de partage de savoir pourrait être un des objectifs de Savoir en Action. Alors justement, je ne suis pas du tout d'accord. Voilà, parce que derrière cette philosophie gentille, toute belle, humaniste, vous êtes donneuse de leçons. Parce que c'est genre, on prend l'universitaire, on va le plaquer dans un centre fermé pour jeunes, ou on va le mettre devant des SDF ou des toxicos, et on va lui dire ce qui est bien pour lui à travers la belle sociologie et la belle science sociale. Et je prends l'exemple tout à l'heure du gars là qui est venu et qui t'a fait le truc. Mais ça, c'est exactement dans le documentaire de Pierre Carle. Quand le mec, le sous-prolo de cité, il vient voir Bourdieu et il commence à le faire chier du haut de l'estrade, etc. Et Bourdieu, en mandarin absolu, méprisant et castrateur, il lui dit « Ferme ta gueule, moi je suis l'exécuteur testamentaire d'Abdelmalek Sayad ». Voilà typiquement le genre de violence symbolique insupportable d'un Bourdieu dans son comportement pratique, pas dans ses bouquins « il est beau ». Voilà, encore une fois, les mots sont beaux, mais qu'est-ce qu'il fait en pratique? Et je pense que ce qui s'est passé là, ça c'est au cœur de la pédagogie, justement. Moi, j'y connais rien sur les cercles de Paolo Frère. J'ai pratiqué un peu le théâtre de l'opprimé avec des SDF pendant un an. Bon, avec une leçon d'humilité. Il n'y a pas des mots. On faisait d'abord des exercices de corps, des exercices de présence, pour voir comment on se tolère, comment on se supporte mutuellement. Et je pense que, comme on sait que aussi les dominés ont des choses à dire et le disent de leur façon, avec la colère, avec des moqueries, avec des moqueries, avec des petits mots, puis après je me casse, je viens, je pars, je viens, je pars. Voilà, c'est comme ça. Là, on est dans une estrade, dans un petit cercle qui fait penser à l'agora aristocratique des Grecs, qui travaillaient pas et qui étaient des feignants, quoi, qui vivaient sur le dos des esclaves. Et donc, machinalement, et c'est pareil pour l'université ou les écoles de manière générale, putain, Foucault, il a dit, voilà, c'est disciplinaire. Eh ben, on est quelque part en train de reproduire aussi un espace qui parle pas aux dominés. Alors, le fait que ça soit un lieu politique de contestation fait qu'il y a un effet d'amalgame où la lutte politique fait qu'on peut parler et donc il y a cette richesse qui vient s'exprimer ici. Mais au bout du compte, quand on se va se faire éjecter par les flics au bout d'un certain nombre de semaines, où on va aller et vers qui on va aller? Et surtout, c'est pas seulement le fait d'être invité par un éducateur ou un chef de service, c'est comment on va aller voir les gens, les dominés de ces structures-là, pour construire avec eux la manière de faire le débat. Et pas seulement l'intello qui arrive dans la structure pour dire, voilà, moi, la sociologie de la prison, moi, la sociologie des jeunes qui sont enfermés, etc. Et après, qu'est-ce que vous faites de tous ces gens qui sont autour de vous, qui vous écoutent? Qu'est-ce que vous leur faites? Qu'est-ce que vous leur proposez pour vivre? Parce qu'on est, on grandit dans une famille, on espère, peut-être. Il y en a qui s'en vont comme ça, des navigateurs, et qui ne fondent pas de famille. Mais la plupart du temps, on fonde une famille, on a des petits-enfants, on crève, et ça recommence comme ça, du premier homme jusqu'à la fin. Hein? Et qu'est-ce que vous proposez, en dehors de ça, pour vivre le mieux possible entre nous? Moi, je vais vous faire du chambard et des histoires et des machins et des trucs. Je suis le plus fort, c'est moi qui a raison, etc. Eh ben justement, pour répondre à votre question, justement, le fait d'être dans le pratique, c'est là aussi par rapport à la jeune fille qui était là. Où moi, je dirais que j'étais pas complètement d'accord. Oui, c'est un débat de discussion. Mais les gens qu'on rencontre dans les structures d'hébergement avec lesquels, depuis des années, on fait des débats informels, etc. Tu me fais chier avec tes blablas à force. Donc la question de la réponse, c'est, à un moment donné, elle est politique. C'est-à-dire, oui, on va co-construire ensemble dans la réflexion, c'est-à-dire en gérant les travailleurs sociaux qui poussent en disant « putain, ils foutent le bordel » ou « ils remettent en cause notre pouvoir », etc. Eh bien, on essaye de co-construire des discussions pertinentes et constructives pour changer le monde, comme disait Marx. Il faut changer le monde. Donc changer le monde, ça veut dire que tu as un putain de règlement intérieur qui t'empêche de faire venir des amis ou ta famille. Les centres d'hébergement d'urgence, ce sont des lieux inhumains et fascistes. Les gens ne peuvent pas avoir de sexualité, ils ne peuvent pas avoir de famille, ils ne peuvent pas avoir leurs enfants. Ils peuvent pas avoir d'amis. Je le vis tous les jours, ça. C'est une violence fasciste, madame. Donc la réponse, c'est concrètement concrètement, c'est de faire en sorte de dire on révise le règlement intérieur, mais comment on pense un règlement intérieur? Comment on pense la sécurité des gens? Comment on pense? Et là, effectivement, je trouve que les sociologues enfermés dans leur boîte de leur université, qui sont effectivement des gens de pouvoir qui donnent des leçons, et encore une fois, le docu de Pierre Carle montre bien que Bourdieu fait partie de ces gens-là, eh bien, il faut arriver à inventer des formes à la Paolo Frère, le théâtre de l'opprimé, d'autres façons pédagogiques pour être capable de faire cette co-construction avec des dominés. Et à l'heure actuelle, on sait pas trop la faire, à part quelques grands devanciers qui ouvrent des portes. Et je pense que c'est une leçon. Quand on veut être sur savoir pratique et des choses comme ça, il faut que vraiment ceux qui se prétendent être des intellectuels, ils réfléchissent beaucoup à ce qu'est leur corps, leur langage et leur pédagogie. Juste, madame, pour que tout le monde puisse discuter, je fais passer le micro, puis je vous le repasse après, il n'y a aucun problème. Je pense que madame a raison de dire qu'il ne faut pas mettre du fascisme partout, mais la réflexion sur le rapport entre théorie et pratique, elle ne doit pas être dans l'idée que si on est dans la théorie... On n'est pas dans la pratique. La théorie agit aussi. Et c'est dans un... Enfin, il me semble qu'il faut aussi critiquer le caractère binaire de la distinction entre théorie et pratique, étant donné que la théorie, c'est ce qui peut nous amener à réfléchir sur les logiques souterraines à l'œuvre dans des rapports sociaux de domination, et que elle doit pas être stigmatisée comme étant du pur blabla, ou il me semble que d'un autre côté, effectivement, j'entends aussi l'objection qui consiste à dire que si la théorie se contente d'être dans quelque chose qui n'a aucune retombée, qui ne propose aucune solution concrète, elle peut avoir ses limites. Donc il faut être dans quelque chose de qui soit dialectique dans le rapport entre théorie et pratique, et je pense que c'est ce qu'on doit essayer de faire ici, mais voilà. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, ce qui est effectivement pas, enfin, sur l'idée des compétences. Je comprends que ce que vous dites, c'est-à-dire que par moment, ce que je disais tout à l'heure sur certaines compétences des chercheurs, c'est-à-dire est-ce que les chercheurs ou les intellectuels on considère qu'ils viennent pour faire du blabla, ce qui est possible, hein, ou c'est pas faux, mais ou est-ce qu'on peut considérer aussi qu'ils ont parfois quelques compétences propres? Moi, c'est un débat que je peux avoir, ce que je vous disais sur le Grand Paris ou des trucs techniques. Alors après, on n'est pas tous dans la même situation, les mêmes types d'études, et la question, c'est de savoir ce qu'on fait. Mais effectivement, par moment, il y a des... Là, je prenais aussi un cas de c'est des suds territoriaux. Ils ont demandé à ce qu'il y ait un... Enfin, ils ont fait une démarche pour à Saint-Denis, là, pour qu'il y ait un chercheur qui leur explique les questions du Grand Paris. C'est pas parce qu'ils veulent avoir un blabla, mais c'est parce qu'en fait, ils ont pas le temps. Et que nous, c'est notre... En soi, c'est notre travail. A priori, c'est notre travail. Alors après, est-ce que il y a quelqu'un? C'est toujours gênant d'avoir quelqu'un qui a un nom du type je suis spécialiste de. Cela dit, ça pourrait être aussi la conception de la recherche d'apporter des certains savoirs très précis. Après, moi, l'idée c'est pas d'expliquer aux gens ce qu'ils doivent penser. C'est davantage peut-être d'être parfois à la disposition. Voilà. C'est un débat sur la question de savoir si on fait une liste de compétences ou pas. Mais peut-être que vous aussi, vous avez des choses à dire à partir de votre expérience. Vous voulez intervenir? J'ai dit ce que j'avais à dire. On vous entend. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, et notamment avec l'exemple sur les jeunes isolés, justement ce qu'on avait... ce qu'on avait répondu par rapport à ça, c'était qu'on n'allait pas venir avec un intervenant, mais ce qu'on pouvait mettre en place là-bas, c'était juste, d'une certaine façon, notre expérience de la modération. C'est tout. Comment faire circuler la parole avec bienveillance? Comment parce qu'on s'est rendu compte dernièrement, parce qu'il y a beaucoup, plusieurs commissions qui sont venues nous voir, pas pour intervenir, mais en nous disant, écoutez, on va avoir un débat sur ce thème-là, on a vu comment ça se passait chez vous, c'est quand même vraiment chouette, on sait pas trop comment faire. Une ou deux personnes de chez vous pourraient venir pour nous aider à organiser le débat, à faire circuler la parole. Et en fait, on s'est rendu compte, j'ai envie de dire, dans l'après-coup, que ce qu'on faisait, c'était pas si simple. Mais on s'en est vraiment rendu compte dans l'après-coup, et c'était surtout la semaine dernière où il y a eu 4 commissions qui sont venues nous demander ça. Donc moi, je voudrais de nouveau, par rapport à Savoir en Action, apparemment, j'ai été très mal comprise, ou alors il y a des gens qui croient comprendre sans écouter. Pour moi, quand je parle de ressources, je ne parle pas de compétences. Je pense que dans Savoir en Action, il n'y a pas que des chercheurs et des universitaires. Il y a des gens qui veulent partager des savoirs de toutes sortes. Et quand je parle de ressources, c'est tous ces savoirs et toutes ces volontés de partage. Mais dans un lieu donné, sur une question donnée qui peut être posée de l'extérieur, pas tout le monde va avoir envie de s'y impliquer, va avoir envie d'apporter quelque chose. Par contre, on n'est pas tout le temps là sur la place pour savoir qu'à tel moment il va y avoir quelque part un échange sur tel ou tel sujet. C'est pas seulement une question de compétences universitaires, loin de là. Et en fait, si on avait besoin de compétences universitaires, on n'aurait pas besoin de Savoir en Action. Il suffirait de s'adresser aux universités. Donc si on a besoin de Savoir en Action, c'est justement pour faire un dialogue différent, un dialogue entre des gens qui effectivement sont des universitaires et toutes sortes d'autres gens, avec cette idée qui pour moi est la raison pour laquelle je suis là, qui est que chacun sait quelque chose et a quelque chose à partager. Non, mais c'est sûr qu'il y a des problèmes qui sont très lourds et que tu soulèves avec toute la détermination qui s'impose. Moi, toujours pour continuer à mettre les pieds dans le plat, merci beaucoup. On est là pour ça, c'est-à-dire on n'est pas là pour se faire des politesses. Donc moi, je trouve que c'est très intéressant ce qui est en train de se passer du point de vue de la forme, parce que d'un côté, on va à l'os, quoi, dans une certaine mesure, on se pose des questions qui sont très dures, très très difficiles à surmonter, et en même temps, quand même, justement, Adèle, à l'instant, vient de parler de la question de la modération, la question de la bienveillance. C'est vrai que finalement, on est tous concernés à un moment donné par ces effets de domination. Et donc, je t'interpelle, excuse-moi, c'est vraiment comme tu as pu le faire, parce que c'est constructif, quoi. Bref, mais justement, quand tu dis oui, mais en dernière analyse, madame, vous êtes donneuse de leçons, enfin, justement, c'est presque contradictoire dans les termes. Donc, là, l'idée, c'est qu'on réfléchisse à ça. Parce que bien sûr qu'on peut avoir le sentiment les uns les autres de finalement toujours à un moment donné basculer dans le fait de donner des leçons. Donc, c'est très important d'être vigilant. C'est ce qu'on s'était dit aussi pour Savoir en Action, c'est. En fait, et là je rejoins ce que disait Janine, c'est le but, c'est pas qu'il y ait des gens compétents qui viennent porter la bonne parole. C'est pas du tout le principe. C'est pour ça que je répète, c'est même pas le principe tout à fait éducation populaire, parce que dans l'éducation populaire, il y a des gens qui vont éduquer le peuple. Pareil pour une université populaire, il y a des gens plus ou moins universitaires ou je sais pas quoi qui vont éduquer le peuple. Et là, c'est pas du tout le principe. C'est vraiment, on se met en cercle et voilà ce que sur un sujet on peut partager. Et c'était d'ailleurs l'un des principes au début d'Éduc Pop Debout. Finalement, on n'a pas tout à fait tenu ça, me semble-t-il. Mais l'idée, c'était par exemple de pas commencer directement par un topo, mais de commencer par un échange. Et ça a marché les premières séances. Un échange sur ce que tout un chacun dans l'assemblée sait de ce sujet, ce qu'il ou elle croit savoir, etc. Et on met ça au pot commun. Après, il y a quelqu'un qui va prendre la parole en fonction de sa compétence particulière, mais après on rediscute à partir justement de nos postulats de départ. Bon, donc moi je vois ça en termes de pérennité, parce que je comprends très bien votre point de vue, c'est bon, nous ça marche, c'est du peuple debout, donc en fait ça marche, quoi. Donc pourquoi penser à la suite, et c'est très juste aussi de se dire, enfin, par rapport à tous ceux qui nous disent oui, mais il faut trouver des débouchés politiques à Nuit debout, parce que quand ça va s'arrêter, ben il y aura plus rien, il y aura pas de structure, il faut faire comme Podemos, etc. Moi, je suis aussi éloignée de ce type de discours. Il n'empêche que c'est bien, enfin. Voilà, je pense que c'est bien de se dire que on va continuer quoi qu'il en soit, même si qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle, qu'il y ait les flics qui nous interdisent la place, etc. Donc c'est vrai que ce qu'on peut apporter, c'est des ressources, mais c'est pas ressources humaines, c'est horrible, hein, vu la manière dont c'est utilisé aujourd'hui dans le néo-management. Mais oui, enfin, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas la possibilité de venir tous les jours sur la place, monter les bâches, etc. Mais qui sont là parce que ces personnes sont convaincues que il faut décloisonner ce monde, quoi. Il faut ce monde qui nous divise, qui nous isole, qui nous individualise, qui crée des replis. C'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur déjà, ça nous apporte le fait d'être ensemble. Et je trouve que c'est fondamental, même si on peut pas s'arrêter là, mais c'est aussi fondamental. Se dire, voilà, on livre et avec beaucoup d'humilité. Alors moi, je suis vraiment convaincue par cette idée d'humilité. Parce qu'on a tout à apprendre. Ce qu'on voit aussi dans Éduque Pop Debout, c'est qu'on apprend énormément, etc. Et juste pour terminer, ça peut aussi passer alors par des pratiques telles que tu les décrivais, notamment le théâtre de l'opprimé. Quelqu'un a parlé du pavé tout à l'heure. Moi, ce qui me dérange un peu dans une association comme le pavé, je trouve que c'est un boulot génial, sauf que c'est des formations payantes, quoi. Enfin, c'est déjà, il faut payer et pas des petites sommes, quoi, pour se former à se débarrasser de toutes les formes d'aliénation, etc. Enfin. Donc moi, juste pour terminer, je pense que le but peut-être de ce rapprochement, ça serait que justement toutes les personnes, parce qu'elles sont nombreuses, hein, toutes celles qui se sont reconnues dans Savoir en Action, bah, qu'elles participent dans la mesure de leurs moyens à ces ateliers qui ont lieu sur la place, avec une régularité qui pour l'instant n'a pas à être modifiée, mais par rapport à ce que tu disais sur la régularité, on peut se dire par exemple que bah, justement toutes celles et ceux qui peuvent venir le samedi et le dimanche en particulier, parce qu'il faut être clair, quoi, c'est quand même les jours où les gens peuvent venir quand ils sont pas enfin, par exemple, quand ils sont pas étudiants, ou je sais pas, enfin, voilà, c'est aussi, il faut raisonner aussi en ces termes. C'est comment faire pour que ce soit accessible à tous. C'est aussi la réputation de Nuit debout, enfin, c'est intéressant que vous disiez, oui, c'est des jeunes dans leurs écoles, etc., ce qui est pas vrai globalement pour Nuit debout. Il y a vraiment pas que cette composante-là, mais la réputation de Nuit debout, c'est, oui, bah, c'est des gens qui ont du temps libre et tout, mais nous, Nuit debout, on peut pas y aller parce que quand on rentre chez nous, le soir, on est claqué du, quand on rentre du boulot, on est claqué, quoi. Donc il faut quand même tenir compte de cette situation. Oui, les enfants, tout ça. Il était déjà âgé quand il a dit ça. Je sais que je ne sais rien. Moi, j'ai 87 ans. Je sais que je ne sais rien. Mais j'ai vécu pendant 87 ans. Et j'ai eu... J'étais pas riche, hein, très pauvre. Et à 13 ans, j'étais bonne pour apprendre le secrétariat. Et puis j'allais après ensuite chez les profs faire leur boulot de poussière et autres pour continuer à payer mes cours de cette façon. Et là maintenant, dans ma vieillesse à Paris, eh ben, j'ai juste de quoi payer mon loyer et ne pas crever de faim. Mais je suis révoltée, mais ce n'est pas votre faute à vous tous, c'est le monde entier qui a l'air de se décrire. Je ne sais pas, de se désagréger alors qu'il y a tellement de bonheur et de possibilités à faire, à s'aimer entre nous et pas chercher la petite noise, la petite bête. Ah ça, celui-là, il ne pense pas comme moi, il ne dit pas comme moi. Allez, il faut le... Je suis assez d'accord avec vous et je voudrais rebondir sur une expérience un petit peu personnelle de Nuit debout. Peut-être ça va un petit peu répondre à ce que vous dites. Les premières fois où je suis arrivée ici, je me suis rendu compte, en faisant plusieurs rencontres, ce à quel point dans un monde mort. Mais franchement, où les gens ne se rencontrent que parce que ils font le même travail, ou au sein d'une institution, ou alors parce qu'ils ont un lien de parenté, ou parce qu'ils ont un loisir en commun, ou parce que... Mais il faut qu'il y ait à chaque fois quelque chose de commun qui fait que la rencontre est possible. Et donc du coup, la rencontre se focalise sur ça, et des fois se diffuse un petit peu sur d'autres choses. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire ici, et notamment au sein de Debout Éducation Populaire, c'est que les gens se rencontrent simplement parce qu'ils occupent, parce qu'ils sont au même endroit, au même moment. Donc ils se rencontrent en tant que personnes présentes. Et une autre chose extraordinaire, c'est que on va discuter du sujet qui est abordé à ce moment-là par rapport à la façon dont on le perçoit, par rapport au débat qui est en cours. Et ce qui est très intéressant, et dans l'expérience qu'on a eue à Debout Éducation Populaire, c'est qu'au bout de 3 semaines, des fois on s'est regardé puis on s'est dit « Mais au fait, toi tu fais quoi dans la vie ?» C'est arrivé, mais vraiment bien après, parce que la question n'était pas là, c'est « Comment est-ce qu'on fait ici ?» Voilà, on fait quoi ici ? Et ça, c'est une expérience énorme, sur le simple fait voilà, que Nuit Debout existe. Merci. Est-ce qu'il y a... Oui. Je ne sais pas si ça va jusque-là. Je voulais simplement proposer peut-être deux thématiques. Alors, je ne sais pas si vous les avez explorées côté savoir en action ou côté éducation populaire debout. Deux questions qui me paraissent intéressantes et qui font écho à ce qui a été dit. La première question, c'est la production des savoirs dans des lieux qui ne sont pas voués à ça. Je pense en particulier, puisqu'on est dans un cadre de mobilisation sociale et politique actuellement, tout ce qui se fait dans les entreprises occupées, sur les piquets de grève, tout ce qui est de l'ordre d'une réflexion extrêmement précieuse, je trouve, sur les questions de la démocratie. Pour prendre un exemple de ça, mais c'est un exemple parmi d'autres, je pense au film, très beau film de Françoise Davis qui tourne en ce moment, comme des lions, sur la grève APSA. Et Françoise dit à un moment donné, j'ai filmé la pensée en train de se faire. Donc là, c'est ni des échanges d'expertise, ni apporter la bonne parole, comme disait Ludivine, mais c'est vraiment cette culture dont on ne parle jamais et qui s'élabore et qui est un savoir à part entière. Voilà, donc ça me paraît un point intéressant. Et puis, de l'autre côté, en sens inverse, puisqu'on parparlait aussi de la division entre théorie et pratique, savoir théorique, il semble qu'un des intérêts aussi de ce genre de lieu, c'est quand on est enseignant, je suis prof, on sait un certain nombre de choses, on croit savoir, mais effectivement on sait un certain nombre de choses, mais en revanche on n'a pas cette réflexion sur ce que c'est que la pratique sociale, ou trop peu, ce qu'on fait quand on est enseignant. Et ça, c'est quelque chose qui est à creuser et qui fait que le savoir n'est pas là d'un côté et l'absence de savoir de l'autre. C'est qu'il y a des points aveugles énormes sur ce rôle social qui est le nôtre et sur la façon dont on peut et dont on doit transformer cette question-là. Donc ces deux points-là, ils me paraissent remettre en cause justement cette division traditionnelle savoir et pratique. Et bon, c'est un des points qui m'intéresse. Ouais. Là, par exemple, je pourrais dire j'invite les hommes à s'exprimer, parce qu'il y a eu plus de femmes qui sont intervenues dans toutes les dernières interventions. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. Non, mais je dis ça parce qu'on a aussi, dans le rôle de la modération, on veille à la parité. Donc, et ça arrive très franchement dans les deux sens. Est-ce que, alors je ne sais pas, d'autres personnes veulent intervenir aussi sur ce que c'est pour eux que l'éducation populaire aimerait voir se créer ou... Je sais pas, est-ce que... Oui. On a un fil limité. C'est plus une question. Pourquoi vous voulez pas de débouchés politiques ? Pourquoi vous voulez pas de débouchés politiques ? Alors ça, je pense qu'on peut tous répondre qu'en notre nom. Enfin, je sais pas si on a dit qu'on voulait pas de débouchés politiques. Qui est-ce qui a dit qui... Ah, d'accord, bah je te laisse répondre alors. Non, je ne pense pas avoir dit ça exactement. Alors, si j'ai dit ça, je me suis mal exprimée. Je parlais plus de l'allusion à Podemos. Enfin, c'est-à-dire que dès le début de Nuit Debout, en particulier dans les médias, il y a eu très vite une sorte d'obligation à se dire on va. Est-ce que vous allez créer un parti politique et ça continue de se dire beaucoup. C'est-à-dire. Si ça reste comme ça, purement auto-organisé, sans véritable hiérarchie, ça débouchera sur rien. Et donc, moi, je pense que Nuit Debout aura forcément des débouchés politiques, et c'est en soi très, très politique. Nuit Debout, c'est politique dans plein de sens, mais c'est d'abord politique parce que c'est justement une auto-organisation qui mêle la question justement de discussion de fond, qui mêle des discussions vraiment très démocratiques, qui s'interroge profondément sur ce qu'est la démocratie, c'est-à-dire qui n'est pas forcément une démocratie d'assemblée, de parlement, une démocratie voilà, de qui exclut globalement la plupart des gens. Donc là, ce qui est frappant dans Nuit debout, c'est que les gens sont là, prennent la parole, se sentent légitimes à proposer justement aussi bien une critique du monde social actuel que des alternatives. Nuit debout, c'est aussi la conscience des nécessaires convergences avec le monde des entreprises dont parlait Isabelle à l'instant, enfin et en particulier les entreprises en grève, etc. Donc en soi, Nuit debout, c'est un mouvement politique. Et bah, une des craintes, c'est qu'il soit récupéré par une formation politique, quelle qu'elle soit. Enfin, je pense qu'il n'y a aucun risque, parce que Nuit debout, c'est irrécupérable, tellement il y a justement de lucidité sur ce problème. Après, enfin, voilà, moi, j'ai pas forcément envie qu'il en sorte une organisation politique qui ressemblerait à un parti, voilà. Mais il y aura des débouchés politiques, ça c'est sûr. Mais après, c'est une discussion. Bon, alors j'assume la fonction de parité aussi. Pour continuer sur ces outils. Par exemple, quand je discute avec des amis anards, ils me disent « De toute façon, vous les sociologues, vous êtes à côté de la plaque. La vérité, elle sort du mouvement social. C'est par la praxis qu'il y a de la vérité. » Donc, ce qui est intéressant aussi dans Savoir en Action, c'est de se dire quels sont les enjeux de blocage et les enjeux de conflit qui existent à l'intérieur même de tous les types d'intellectuels. Pourquoi finalement, on va dire de manière générale, toutes les forces de gauche intellectuelles se tapent dessus en permanence? Pourquoi? C'est quoi ce qu'il y a au fondement de ces trucs-là? Quand on lit un peu ce que l'on est, on se rend compte que l'anthropologie sort du colonialisme et que la sociologie sort aussi de la raciologie. La base des sciences sociales, c'est du racisme. Alors ça paraît bizarre quand on commence à lire Durkheim, mais quand on va vraiment loin, donc on se rend compte que nos démarches même, quand on fonctionne avec des questionnements, quand on va voir les gens, on fonctionne comme un juge, on fonctionne comme un travailleur social, on fonctionne comme un psy. Et en ça, Foucault a raison, les disciplines de savoir-pouvoir, les sociologues sont dedans. Et donc les autonomes, comme beaucoup de gens, nous disent « mais vous êtes des flics, les sociologues sont des flics ». Donc ça, c'est une interrogation à avoir. Or, à l'université, elle n'existe pas, cette réflexion. Les chercheurs se sentent, mais avec la meilleure des bonnes consciences. On est là pour rendre raison, on lit les bouquins Thilbaud, Beau et Weber. C'est dégoulinant de petits bourgeois pleins de bonnes consciences qui disent « Ah ben les gens, ils aiment faire leurs confidences, les gens, ils aiment nous parler, etc. » Mais c'est d'une naïveté déconcertante de voir que les instruments que l'on utilise charrient des violences symboliques, physiques, etc. Donc le fait qu'il y ait des gens qui soient dans le mouvement social et qui n'aiment pas les chercheurs et sciences sociales, c'est une bonne question. C'est une super bonne question. Or, à l'université, on fait genre, petit gauchiste. Alors qu'est-ce qu'on a? Par exemple, on va avoir un universitaire qui va dire récemment sur les Black Blocs, qui a écrit dans un ouvrage qui s'appelle Les violences politiques, qui va dire, ah ben non, nous on peut même pas rentrer dans les Black Blocs parce qu'ils disent que le sociologue c'est un flic, alors je peux pas y aller, seuls mes étudiants militants peuvent me ramener de l'information. Voilà, donc au lieu de réfléchir à la manière de transformer la posture du chercheur pour dire, bah, qu'est-ce qu'on doit être, comment se changer, hein, ou alors des postures de démission à la Bourdieu, reprenant Weber en disant « Ah ben faut pas faire de prophétie de chair, on est des petits fonctionnaires appointés, il faut rester à notre petite place ». Oui, voilà, et ben ça c'est pas critiqué, on va dire « Ben non, ben Bourdieu faut pas critiquer, tu te prends pour qui, petite merde, de critiquer Bourdieu, etc. » Donc on a plein de censures, et ces censures participent à la pérennisation des violences universitaires sur le monde social, sur la classe ouvrière, sur les dominés sur lesquels on va massivement, parce qu'on va très rarement vers les classes dominante, et voilà, et toute cette violence-là, elle n'est pas réflexive. On dit que les outils de la science sociale visent à rendre raison, on vise à donner de la vérité sur le monde social, mais tout ça, c'est majoritairement une grande hypocrisie, parce qu'on est là d'abord pour violenter les gens, pour leur piquer du savoir et de l'information, pour en faire des articles pour notre carrière. Ouais, non, juste rapidement pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Moi, je fais de la sociologie aussi. Et je sais pourquoi j'en fais pas pour ce que vous dites, en tout cas. Et je pense que la plupart des gens qui font la sociologie n'en font pas pour cette raison. Pour, comme vous dites, les sociologues sont des flics, vous avez dit. Mais c'est vrai que c'est une des dimensions et c'est vrai que c'est important à prendre en compte. Bon, j'ai pas trop préparé cette intervention, c'est un peu comme ça, donc. Mais c'est un débat qui est très intéressant, c'est intéressant de lancer le sujet. Mais faut. Je pense que c'est un, vous l'avez dit de manière un petit peu trop, à mon avis, brutale, quoi, mais c'est vrai que c'est une question que toute personne qui s'intéresse aux sciences sociales devrait se poser, quoi. Bon, pour rebondir sur ce que vous dites, je pense que il faut faire attention aussi à pas créer des réticences par rapport aux gens qui font la sociologie ou des chercheurs qui voudraient justement faire la sociologie ou la recherche autrement et pas intervenir qu'en tant qu'académicien dans un mouvement autonome comme ici. Je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs, d'enseignants qui ont bien conscience des perversités du milieu académique qui peut être aussi en lien avec le milieu médiatique, politique, etc. Donc ce que je voudrais juste dire, c'est qu'il faudrait faire attention à ne pas s'épingler les uns vers les autres ou un groupe social à travers les autres, parce qu'au final, on s'exclut aussi. C'est-à-dire en voulant revendiquer une autonomie et une ouverture, en pointant un ennemi ou une mauvaise pensée académique, etc., on exclut ces gens-là. Voilà, c'est juste ce que je voudrais dire. Et en prenant un exemple, par exemple Bourdieu, il y a des gens qui ne seraient pas d'accord avec votre interprétation. Voilà. Mais la façon dont vous l'exprimez, vous voyez là, vous rigolez, vous parlez de petits bourgeois aliénés, etc. Il faut faire attention parce que c'est excluant et c'est pas argumenté, c'est pas. Tous les gens ne seraient pas d'accord avec vous. Voilà. Je peux intervenir ? Ouais. Et ben moi simplement pour dire que je suis tout à fait d'accord avec le jeune homme qui est à côté de moi d'ailleurs. Et on est dans un système qui ne fonctionne plus d'ailleurs parce que c'est un système qui cherche la majorité. Et quand on cherche la majorité, ben on arrive au mieux à une grande minorité. C'est ce qui se passe actuellement. Donc ça ne fonctionne plus et c'est pour ça qu'on est sur Nuit Debout. Ce qu'il faut chercher, c'est l'unanimité. Effectivement, faire en sorte que chaque individu soit pris en compte, chaque individu. On est tous dans le même bateau sur la Terre aujourd'hui. Et moi, j'aimerais effectivement que nous arrivions tous au bout. Je ne sais pas où est le bout, mais je m'en fous complètement. Mais que personne, personne, personne ne soit exclu. Voilà, c'est mon désir. Je vais juste faire un petit point technique. Pour le repas ce midi, comment est-ce que vous préférez qu'on fasse ? Soit on continue le débat et puis chacun part quand il veut acheter son sandwich et revient, soit on fait une pause. Alors on va faire un vote. Qui est pour faire une pause ? Qui est pour continuer le débat ? Waouh ! Bon, faut que je compte parce qu'en fait j'ai pas compté. Alors on recommence. Qui est pour faire une pause ? Qui est pour continuer le débat ? Eh bien, on continue le débat alors. Et donc, continuons le débat, oui. Alors, en fait, ça continue jusqu'à 16h. Et à 16h, on a la boîte à questions. Et ensuite, à 17h, on a une intervention. C'est Daniel qui vient nous parler des interventions militaires françaises et du collectif Ni guerre ni état de guerre. Alors, cet après-midi, ça continue comme maintenant. Il y a un débat autour des formes d'éducation populaire et autres organisations de ce type qui existent. Comment ça se passe ? Comment on peut le diffuser autour de nous, voire faire des liens entre nous ? C'est jusqu'à 16h. Donc, pour poursuivre ? Peut-être je repose la question que j'ai posée tout à l'heure, parce qu'il y a eu plusieurs mails d'envoyés pour les différents types d'éducation populaire qui existent déjà. Est-ce que dans les personnes qui ne sont pas intervenues, si elles connaissent un petit peu ce qui existe, elles pourraient nous en faire part ? Non. Vous voulez qu'on reparle? Bah, c'est vrai qu'on peut reparler peut-être de ce qu'on fait à Debout Éducation Populaire, parce que il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas là au début et qui du coup viennent d'arriver. Donc on a présenté ce qu'on avait mis en place petit à petit, en fait, au fur et à mesure. Hein, il y a eu Ludivine vous parlera mieux que moi de ce qui a été fait au tout début. Et bah, peut-être tu peux commencer à parler de ça. Et puis non, mais après je dirai comme ça ce qui a été fait depuis. Non, je suis quand même beaucoup moins légitime que toi, justement, parce que j'ai pas du tout la possibilité d'être aussi pleine d'énergie et plein d'énergie que vous l'êtes. Donc non, mais voilà. Mais au tout début, en fait, c'était surtout des étudiantes qui se sont dit, voilà, sur la place, est-ce qu'on pourrait pas créer ce type d'atelier de partage des savoirs? Donc à l'origine, on avait parlé de jardin des savoirs ou partage des savoirs, quelque chose qui est pour principe que sur des thèmes très très divers, mais qui ont quand même un rapport avec le politique, l'engagement qui anime Nuit Debout, eh bien on se retrouve à mettre en commun nos savoirs, et en partant y compris de nos postulats sur ces sujets. Donc une charte a été élaborée collectivement. Et ce qui était intéressant, même en termes d'espace, de rapport à l'espace, c'est que ce petit groupe, on s'est retrouvé en cercle sur la place. Et très vite, ce cercle s'est élargi, et c'est ça qui est fascinant dans ce qui se produit actuellement, notamment du côté d'Éduc Pop Debout, c'est que il suffit de se poser à 10, et puis très vite, on se retrouve à 20, et puis en fait, dans les premières séances, on s'est rapidement retrouvé à plus de 100, voire 200, voilà. Et donc l'idée, c'était d'avoir une charte, donc que vous trouvez là, qui est une charte qui justement rappelle des principes de base, c'est-à-dire que ce ne sont pas des universitaires ou des professionnels supposés du savoir s'exprimer et monopoliser la parole, mais que c'est un savoir qui circule, qui se fait de la manière la plus anonyme possible, avec uniquement des prénoms. On n'est pas là pour brandir son identité, son statut, son CV, etc. Voilà, qu'on en discute avec bienveillance, mais tout en reconnaissant que il y a des sujets qui exigent de travailler des concepts, de travailler une certaine complexité, mais avec la volonté de rendre cette complexité la plus accessible possible. Et des effets de modération, mais Adèle, tu t'en parleras mieux que moi, des effets de modération qui permettent d'être vigilant, aussi bien à l'intervenant qu'aux personnes qui participent, d'être vigilant sur c'est complètement, c'est trop abstrait, c'est trop éloigné, c'est trop, ça manque de compréhension. Donc ça fait réfléchir tout le monde, quoi, sur pas seulement sur le fond, mais sur la forme, je crois. Je me dis que je vais vous lire la charte des modérateurs et modératrices, parce que comme ça vous allez vous rendre compte un petit peu justement, voilà, du rôle qu'on peut avoir. En fait, on l'a mis sous forme d'écrit parce qu'on s'était rendu compte que, un petit peu pris par le temps ou par ce qui se passait, très souvent on se limitait juste à passer le micro, et on s'est très vite rendu compte qu'en faisant juste ça faisait vraiment perdre de la valeur au débat en ne reposant pas le cadre. Donc du coup, entre chaque intervention, on commence par rappeler le format en disant que, voilà, comme tu l'as dit, que l'intervenant ou l'intervenante n'a qu'un prénom, qu'il ou elle se présente son thème pendant maximum 20 minutes, en sachant que on a eu par exemple des interventions qui étaient sous forme de dessin avec le public, et dans ces cas-là, il n'y a pas eu de présentation pendant 20 minutes. Ça, c'est la forme standard. Après quoi, donc 40 minutes de débat pendant lequel tout le monde est invité à participer. Chacun, chacune doit rester bienveillant, bienveillante envers tous ceux et toutes celles qui prennent la parole, et respecter les avis énoncés. Rien que le fait de préciser lors de la modération, de redire le mot bienveillance, ça a un effet sur toute l'intervention qui est assez fondamental. Donc on présente aussi à ce moment-là la boîte à questions, en disant que n'importe qui peut venir mettre une question de façon anonyme, soit sur place, soit par mail. Et que les questions seront débattues donc le samedi à 16h avec les personnes présentes, sans appeler un expert pour répondre. L'échange étant source de réflexion commune où chacun et chacune peut apporter sa pierre à l'édifice. Ensuite, on appelle tous ceux et toutes celles qu'ils souhaitent à proposer une intervention sur un thème, donc comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il soit issu d'un savoir, d'une expérience, d'une réflexion, d'une passion. On précise que l'on peut nous proposer d'autres types d'interventions ou des ateliers pratiques, Et du coup, en général, il y a une personne qui est à côté de la table là-bas avec le cahier qui est ici pour prendre les interventions des semaines qui suivent. On annonce aussi à ce moment-là les prochaines journées thématiques. Par exemple, la semaine prochaine, le 4 juin, il y a la journée thématique, c'est sur le TAFTA et le CETA. Donc là, c'est en lien avec Nuit Debout. Le dimanche, on a une journée sur les violences aux femmes. Et là, on a quelque chose dimanche, je crois. Je ne m'en rappelle plus. Donc, ensuite, on dit que toutes les interventions sont enregistrées en audio et disponibles sur le site qui est noté là-bas, donc educpopdebout.org. On demande aussi de venir nous aider pour l'organisation, pour ceux et celles qui ont du temps et l'envie de partager avec nous cette expérience. Et on rappelle qu'une réunion d'organisation hebdomadaire a lieu tous les dimanches à 18h. Et ça, c'est pareil, rien que le fait de l'énoncer, que tout n'importe qui peut venir faire une intervention, de l'intervention, c'est quand même très important, même si on a les affiches qui le disent, pour que chacun se sente impliqué à ce moment-là. Ensuite, on invite les gens à s'asseoir et à se rapprocher pour que tout le monde puisse entendre et prendre part au débat, et on présente l'intervenant ou l'intervenante suivante avec son prénom et son thème. Donc ça, c'est... Du coup, on s'est rendu compte que ça nous prenait pas loin de 5 minutes, mais que c'était quand même très important de le refaire à chaque fois entre chaque intervention. Et ce qu'on voulait remettre en place, que tu as précisé tout à l'heure, qui était le cas au début, c'était avant l'intervention, demander à tous ceux qui sont présents s'ils ont déjà des idées, des questions qu'ils se posent sur le thème qui va être abordé. Donc ça, faut vraiment que je le rajoute à ça. Au cours des interventions, on signale à celui qui ou à celle qui intervient au bout de 15 minutes qu'il lui en reste 5. Bon là, c'est parce qu'on s'est rendu compte que pour certains non, ou certaines intervenantes, la notion du temps n'est pas forcément la même. Et donc du coup, de les couper à un moment où ils n'ont pas fini, on essaye vraiment de respecter ce maximum de 20 minutes, et donc de les prévenir avant. Et puis finalement, ça se passe plutôt bien. On veille donc à la parité lors des prises de parole. Et on fait circuler le micro. Si par exemple il y a beaucoup de questions, on en prend plusieurs avant que l'intervenant ou l'intervenante réponde. Et aussi, quand on propose le débat, on s'est rendu compte qu'il fallait pas juste dire si vous avez des questions. Parce que c'est pas forcément des questions à poser à la personne qui a intervenu. Ça peut être aussi une opposition, ça peut être une réflexion à côté, ça peut être des interventions en elles-mêmes. En fait, voilà, c'est pas forcément sous forme de questions. Oui aussi, puisqu'on est sur une place, des fois on voit des personnes qui filment dans l'assemblée. Donc dans ces cas-là, on s'est dit qu'on demanderait au micro quelle est la chaîne et si les intervenantes et participantes sont d'accord pour être filmées. Dans le cas où seulement certaines personnes du public souhaiteraient l'être et d'autres non, on a fait une zone filmée, non filmée. Voilà, et à la fin de l'intervention, on passe le micro au modérateur ou à la modératrice suivante. Et on essaye de faire un retour, au moins de discuter un petit peu avec soit l'intervenant ou l'intervenante, et puis le petit groupe qui peut s'être créé, qui rebondit sur l'intervention d'avant, pour savoir un petit peu comment ça a été perçu. Et d'ailleurs, je fais un autre appel, s'il y a des personnes qui sont venues ici plusieurs fois et qui voudraient témoigner justement de leur expérience en tant que public à Debout Éducation Populaire, on s'est dit qu'on allait lancer là-dessus un appel Facebook. Parce que ce serait... Je sais pas si on l'a fait d'ailleurs, je crois pas. Parce que on l'a fait, voilà. C'est quand même très, très intéressant. Nous, on entend sur le place les retours. Mais si en plus peut y avoir des témoignages écrits, je pense que ça rajouterait énormément de choses. On pourrait même imaginer qu'on fasse une intervention une fois sur retour, expérience, Debout Éducation Populaire. Voilà. Est-ce qu'il y a... Donc pas des questions, mais des remarques par rapport à ça ou par rapport aux autres choses qui existent? Tout de suite plus clair quand c'est écrit. Peut-être que du coup vous pouvez représenter un peu savoir en action pour ceux qui... Non ? Je sais pas du tout si c'est pertinent, mais moi je serais vraiment intéressée par une discussion sur par exemple le théâtre de l'opprimé. Justement, qu'on arrive à avancer aussi sur... Bon, voilà, on a des formes. Il y a des formes qui marchent. Et il va falloir les prolonger. Mais il faut aussi pouvoir les interroger et les dépasser. Donc, je ne sais pas, pour les personnes qui ont des expériences alternatives et en quoi elles sont complémentaires éventuellement, voire au contraire plutôt antagoniques. Moi, ça... J'ai appuyé sur off, donc évidemment. Voilà, c'est ça. Il fallait que je me coupe le sifflet moi-même. Donc, est-ce que, enfin, voilà, le théâtre de l'opprimé, à la fois sur les principes que tu peux rappeler éventuellement pour les personnes qui connaissent pas, mais les pratiques. Je parlerai pas de résultats parce qu'on dirait vraiment du néo-management alors quels sont vos objectifs résultats, mais justement pour voir dans quelle mesure on pourrait aussi prendre en pratique ces différentes formes d'intervention. Alors l'expérience du théâtre que j'ai eue, c'était dans un foyer pour SDF, entre guillemets, puisque c'est une catégorie publique, SDF. Et en fait, ça fonctionnait, enfin, l'objectif, en fait, c'est de prendre une action de vie. Par exemple, le fait qu'un SDF ait vécu le fait que le guichetier lui ait coupé sa carte bancaire devant lui pour lui dire « tu ramènes pas assez d'argent avec ton RMI, RSA, et donc tu sers à rien, je te coupe ta carte bleue ». Ça pouvait être l'interdit de sexualité. On a fait un débat là-dessus. Enfin, un débat, une organisation. Voilà. Donc le but, c'est de rejouer en mélangeant les rôles. Donc... bénévoles, moi j'étais bénévole, travailleurs sociaux et résidents. Le but c'est de rejouer la scène, mais avec une pédagogie en fait qui vise à mettre en confiance le dominé, puisque le dominé il a eu honte, le dominé il est écrasé, et en plus il vit dans un foyer où il est écrasé. En plus il n'a pas la parole, il peut pas inviter une copine, etc. Donc il y a toute cette libération de la parole à deux niveaux. Premier niveau, c'est de dire ce qu'il a vécu dans l'espace de la société en général. Et le deuxième niveau, c'est de convaincre les travailleurs sociaux et tout le staff par rapport auquel habituellement c'est ferme ta gueule et insère-toi de telle manière, la manière dont moi je veux, c'est-à-dire ton CV, ta bonne volonté et non pas ton libre arbitre, ton droit de syndiquer, ta faculté de recevoir des amis, etc. Mais voilà. Donc il y a vraiment une oppression très très forte qui est totalement invisible dans l'espace social, puisque je dirais ces beaufs de Français considèrent que l'abbé Pierre est l'homme le plus populaire pour eux, alors que voilà, pour beaucoup de SDF, c'est un voleur de bifin, etc. Bon. Donc tous les deux on en reparlera. Donc l'idée c'est de se dire comment on va faire. Et donc on a fait appel, donc comme on était des amateurs et qu'on savait pas le faire, on a fait appel à un professionnel du théâtre de l'opprimé qui nous a dit voilà, on va d'abord s'apprivoiser pendant plusieurs semaines. On va faire des activités ensemble, on va voir ce qui se crée pendant ces relations-là. Donc on se réunissait une fois par semaine, etc. Là, je fais une petite parenthèse. Le gars du théâtre de l'opprimé avait aussi sans doute l'habitude de faire appel à des personnes qui n'étaient pas suffisamment violentées par la vie et donc qui arrivaient à respecter ce que j'appelle les parenthèses temporelles. C'est-à-dire que par exemple, quand au bout de 3 mois ou 4 mois de travail, il s'avérait qu'il y avait, au lieu d'être 20, on était 3, d'un seul coup, le mec du théâtre de l'opprimé se mettait à gueuler. Et moi, en tant que sociologue, j'allais le voir en lui disant « Mais écoute, t'as pas à gueuler, t'as qu'à comprendre le mode de vie des SDF et tu feras pas chier avec ton critère petit bourgeois de « moi je suis prêt de telle heure à telle heure, doivent y voir venir de telle heure à telle heure ». Ce que font les sociologues et qui gueulent quand ils disent « Ah, il m'a posé un lapin ». Donc il faut faire avec une temporalité qui est à la fois contrainte puisqu'ils sont dans le foyer et en même temps ils sont libres, ils viennent ou ils viennent pas. Donc ça, c'est un très gros problème, l'absentéisme. Mais l'absentéisme, c'est aussi la loi de la contestation sociale. Donc c'est intéressant et c'est riche. Mais là, c'était la limite du théâtre de l'opprimé pour ce type-là. Il n'arrivait pas à prendre en compte les logiques aussi voilà, les problématisations sociales. Et donc, on commençait par tout un ensemble de jeux de rôle où, au bout du compte, finalement, on était mort de rire. Le mort de rire, c'est exactement ce que Michel Pialoux, qui était un OS pendant 30 ans, a raconté dans son livre. Comment il arrivait à parler devant 5000 mecs à Peugeot, à Montbéliard. Parce que, justement, il n'avait pas le langage de bois du syndicaliste, il racontait des conneries, il improvisait, il avait le langage, entre guillemets, de la culture OS, etc. etc. Et donc là, pour pas avoir ce langage de travailleur social, ce langage de sociage de donneur de leçons pour aller vite, eh bien, on ferme notre gueule. La première leçon, c'est qu'on ferme notre gueule. Sauf qu'il y a un cadre, il y a quand même la violence d'un cadre. Et ce cadre, justement, c'est le balai des corps. Donc, on est tous mis, entre guillemets, à égalité, ben, parce qu'on a tous un corps. Et donc, ce corps, il est mis dans des postures, on commence par se donner la main, et on doit, après, arriver à passer par-dessus, par-dessous, etc. Ce qui fait qu'au bout du compte, on fait un gros paquet de chair humaine complètement coincée les uns avec les autres. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas cette fameuse distance du corps qu'on a dans l'espace public. Là, on l'a, là, à 50 cm. On est tous les bras dans les bras, contre la vision qu'on pourrait avoir du SDF qui pue, qui est alcoolique, qui a des bestioles, etc., etc. Donc, c'est vraiment une construction de l'être ensemble, du lien social, du dépassement de sortes de barrières. Et progressivement, on fait des jeux donc qui passent par un langage verbal, c'est-à-dire, par exemple, essaye de me décrire la situation de la banque ou l'interdit de la sexualité dans la structure à travers les objets qu'il y a dans cet espace, à travers les chaises, à travers les tables, etc. Donc, par exemple, il y en avait un qui prenait une table, qui montait sur une chaise, qui mettait une deuxième chaise sur la chaise et qui se mettait en équilibre là-dedans au risque de se casser la gueule et qui disait, voilà, ma vie dans cette structure, c'est ça. Parce que moi, je suis une grande gueule et dès que je commence à protester, je sens que c'est la menace d'être viré du foyer. Donc, voilà. Donc, l'équipe devait être capable d'entendre toute cette contestation, mais ça se mettait sous la forme déjà d'objets et c'est seulement progressivement que ça émergeait, que ça émergeait. Et au bout du compte, on arrivait comme ça à mettre en forme écrite. Après, il fallait, au bout de plusieurs mois, écrire la scène et c'était jamais les SDF qui jouaient la répétition de la scène de la banque. C'était toujours quelqu'un qui est relativement protégé, mais le résident, il choisissait sa place. S'il voulait quand même jouer ça, il la jouait. Et après, le but du théâtre de l'opprimé, c'est d'aller faire ça dans la vraie banque où ça s'est passé, en appelant les médias, en appelant la presse. Et c'est là où c'était intéressant, c'est qu'à chaque fois, comme ça se faisait à Emmaüs, cette histoire-là, à chaque fois, la direction d'Emmaüs a interdit qu'on passe à l'acte pour aller jouer, pour appeler la presse et aller jouer la scène en direct, alors que les travailleurs sociaux militants, eux, étaient prêts à aller à la confrontation et à la répétition de la scène dans la réalité. L'argument, il était l'argument d'autorité, c'était la hiérarchie. Il dit non, vous pouvez pas faire ça, ça va poser des problèmes juridiques, c'est des rapports de force qu'on veut pas avoir, etc., etc. C'est vraiment le côté gestionnaire d'Emmaüs et de toutes les associations caritatives qui deviennent de plus en plus des réceptacles du fric de l'État. Il y a 30 ans, c'était 20%, aujourd'hui c'est 80%, et donc du coup, ce sont des organismes gestionnaires et la dimension militante de ces structures disparaît de plus en plus. Je vais rebondir simplement sur ce qui a été dit à la fin. Moi, j'ai été compagnon Emmaüs pendant 21 mois, après avoir été SDF, justement, pendant 6 mois sur Paris en 95, parce que j'étais venu faire la Révolution. Moi, j'habitais Briançon à l'époque. Je m'étais habillé en rouge, tout en rouge, avec un bonnet en laine, avec des petits machins sur la tête, là. Et j'ai vécu comme ça pendant 6 mois. Ça a été la meilleure formation que j'ai faite, et Dieu sait que j'en ai fait d'autres. Mais bon, peu importe. Toujours est-il que j'ai vécu 21 mois à Emmaüs, et moi, ça m'a apporté énormément de choses, ça c'est sûr. Ça m'a permis de repartir, certes, dans ce système que je n'aime pas, mais ça m'a permis quand même de aussi, en tout cas, pendant un certain temps, d'être logé, habillé, nourri, de rencontrer des amis de la communauté qui étaient des gens extrêmement engagés et qui m'ont trouvé d'ailleurs par la suite un appartement, qui m'ont trouvé du travail, qui m'ont trouvé plein de choses. Donc effectivement, j'ai pu repartir dans la vie sociale normalement par la suite. Mais ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire, quoi, mais une expérience absolument fabuleuse. Et puis voilà, je voulais intervenir aussi sur le début, mais plus très bien ce que tu avais dit, moi, c'est pas grave. Ce sera pour tout à l'heure. Je te donne le micro justement pour répondre parce que c'est intéressant. La mémoire souterraine d'une partie des SDF. Par exemple, là, c'est l'histoire de vie d'un SDF que j'ai faite pendant 15 ans. Voilà. Et lui, il a été bifin au début des années 70. Bifin, c'est quand? Ben justement. Ah ben voilà. Voilà. Bifin, c'est quoi? Eh ben, Emmaüs a volé le travail des bifins, c'est qu'ils deviennent des chiffonniers avec l'abbé Pierre. Et donc, du coup, les bifins qui ont été des prolétaires libres dans les années 70 et qui avaient une patente à la préfecture de police pour avoir le droit dans chaque quartier de récupérer les objets, l'abbé Pierre a mis la main basse sur ces structures avec les communautés et avec l'exploitation aussi des compagnons qui reçoivent un pécule et qui n'ont pas le droit d'avoir le RSA quand ils sont à l'intérieur en tant que compagnons. Donc ils sont hors du droit commun, hors du salariat quand ils sont compagnons. réunion. Et donc, les Biffins détestent l'abbé Pierre parce qu'il les a tués. Voilà. Moi, l'abbé Pierre, il y a deux formules qui m'ont extrêmement marqué, hein, c'est très, très synthétique. Quand j'étais donc SDF à Paris, un certain temps, en tout cas, après je suis parti à côté de Londres pour travailler pendant 6 mois, je suis cuisinier, excusez-moi, mais toujours été, j'ai travaillé à côté de Londres pendant 6 mois, et je suis revenu sur Paris parce que j'avais, à cette époque-là, participé à l'origine d'une radio qui s'appelait Urgence, destinée justement aux gens en difficulté, et donc je suis resté 6 mois à la maison de la radio, et donc en revenant de Londres, je suis repassé par la maison de la radio, et c'était un compagnon d'Emmaüs qui animait la radio. Et au-dessus de lui, c'était « On peut refaire le monde ». Et ça, je le savais depuis longtemps qu'on peut refaire le monde. Depuis 87, au moins, je sais qu'on peut refaire le monde, je sais comment le refaire. Mais bon, c'est un autre sujet. Et je suis allé à la communauté, et là, j'ai une autre formule que j'ai apprise, c'était « Il faut toujours servir plus souffrant que soi ». Et ces deux formules-là, ça a conditionné toute ma vie, parce que ça, c'est tout, quoi. C'est résumé tout pour moi. Je suis un peu désolée parce que j'ai l'impression que la parole, c'est compliqué, mais que la parole ne circule pas suffisamment. Donc, je suis désolée de prendre un peu trop souvent le micro. En fait, moi, je voulais repartir un peu justement en écho avec ce que tu as décrit. Je trouve ça vraiment génial, quoi, ce genre d'expérience. Nous, Savoir en Action, on l'a lancé aussi parce qu'on avait bien conscience que justement les dispositifs qui existent type université populaire, tu en as bien pointé du doigt le problème majeur, c'est que en fait c'est pas du tout populaire. Enfin, des universités populaires, c'est la plupart du temps des enseignants à la retraite qui viennent continuer à se cultiver, etc., dans un cadre qui est en fait exactement le même que celui des universités classiques, etc. Donc c'est en soi un travail intéressant. Moi, je trouve que c'est bien que ça existe, mais c'est pas satisfaisant. Donc nous, avec Savoir en Action, et puis c'est le principe d'EducPop debout, c'est l'idée que on va faire quand même autre chose. On va casser ce type de dispositif. On va ouvrir vraiment le lieu. Bon, on en a parlé déjà depuis ce matin. On va ouvrir le lieu. On va partager et on va pas toucher les mêmes publics. Sauf que quand même, si on touche pas forcément tout à fait les mêmes publics, pas uniquement les enseignants retraités, mais c'est quand même un public qui est prêt à s'asseoir, à écouter pendant 20 minutes, une demi-heure, poser quelques questions, etc. Ce qui est très très bien. Enfin, moi, je ne suis pas du tout en train de remettre en cause ce qu'on est en train de faire. Hein. Mais je me dis que on pourrait articuler ça avec d'autres types d'expériences, parce que là, en fait, là, une autre frustration, elle vient. Moi, je suis historienne, mais je crois que c'est valable pour toutes les sciences sociales, en particulier pour la sociologie, où on peut parler en long, en large et en travers du néolibéralisme, du néo-management, de ce que c'est la souffrance au travail, de ce que c'est justement toutes les formes d'imposition d'une raison capitaliste dans nos vies, de colonisation de ce rapport au profit, à la marchandise dans nos vies, mais ça reste assez abstrait, c'est-à-dire ça reste distant par rapport au sujet, je trouve. Et donc le théâtre de l'opprimé, ça fait vivre des situations. Et je pense que ça, c'est un enjeu fondamental, parce que qui est fondamental d'abord pour rapprocher les gens, et notamment pour rapprocher les sociologues qui restent aussi pour partie enfermés dans leurs enquêtes ou dans leurs tours d'ivoire, comme tu le disais tout à l'heure. Mais plus fondamentalement encore, c'est l'idée de faire prendre conscience à la fois de ce qu'on subit dans le travail, au quotidien, dans nos vies, etc., mais aussi des résistances qui sont opposées, des luttes, etc. Et ça, je pense que c'est une des formes, et donc qu'il faut essayer d'expérimenter. Enfin, je ne sais pas comment vous voyez les choses du côté des EducPop debout, enfin, si ça pourrait être un projet. Mais voilà, je pense que ce qu'on est en train de faire là depuis, à la fois, nous, avec Savoir, on a depuis 2 mois avec Nuit debout et EducPop debout, c'est aller de plus en plus loin dans une forme de subversion, justement, des cadres qui existent. Et je ne sais pas si c'est un principe de vouloir aller plus loin, justement. Mais parce qu'à un moment, la forme s'épuise. Peut-être qu'au bout d'un moment, la forme va s'épuiser. C'est-à-dire, enfin, vous le disiez tout à l'heure, il y a toujours des gens qui s'inscrivent, toujours des thèmes nouveaux, des exposés nouveaux. Mais l'usure peut nous guetter aussi, ou en tout cas comment faire pour renouveler les formes, non pas seulement pour le plaisir de les renouveler, mais pour toucher davantage. C'est-à-dire, quand on parle de décroissance, bon, c'est bien d'avoir un topo de 30 minutes sur la décroissance. Moi, j'ai appris énormément en 30 minutes sur ce sujet, par exemple. C'est un des thèmes qui m'ont marqué, mais il y en a plein d'autres. Mais comment est-ce qu'on peut mettre en corps, enfin, ça, c'est important ce que tu soulignais, Patrick, c'est sur le corps. Les corps sont très absents, en général. Enfin, c'est complètement neutralisé. Et du coup, ça crée une distance, de toute façon, par rapport à l'objet. L'idée de mettre en scène vraiment les choses, hein, de les revivre en redistribuant les rôles, ça peut être une perspective aussi intéressante. Non, juste personnellement là-dessus, là, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que ce type de choses qui existent là existent aussi ailleurs, sur d'autres places. Sur beaucoup d'autres places. Et comment diffuser ça, franchement, je n'en sais rien. Donc, pour moi, c'était le but aussi de la réunion d'aujourd'hui, de savoir ce qui existait déjà pour le diffuser. Mais sinon. Oui, télévision, caméra, c'est vrai qu'en plus, on a un site YouTube, mais comme c'est pas des vidéos, que c'est des enregistrements, bon, sur YouTube, ça passe moins bien. Et encore une fois, je crois que c'est les personnes qui viennent aussi qui en parlent les unes aux autres. Mais oui, peut-être que là, il y a un moment où ça reste clos d'une certaine façon. Je ne sais pas. Moi, mon objectif, enfin, je vous disais tout à l'heure que je savais depuis très longtemps, effectivement, qu'on peut refaire le monde. Donc, je l'ai su en 87, en fait. J'étais dans les Landes à l'époque et j'ai eu une illumination, vraiment, comme je pense Jeanne d'Arc ou d'autres. On m'a dit il y a deux jours, effectivement, j'étais habillé comme un prophète. Et donc, c'est vrai, depuis 87, je sais que je suis un prophète. Voilà. Je sais, je connais l'avenir. Je connais. j'ai dit ça souvent, putain, on m'a pris pour un fou. Je suis fou. J'adore être fou. J'adore la folie. Voilà. Donc je sais effectivement le monde, comment on va le construire ensemble. Et ça me fait extrêmement plaisir parce que là c'est les prémices et je sens effectivement qu'on y va. On y va. Donc j'ai perdu le fil de ma pensée et puis elle s'est envolée. Je la vois plus du tout. Elle est partie. Pardon. Allez vidéo. Bah ouais, il faut la télé ici, c'est clair, quoi. Il faut les photos, il faut pour qu'on nous entende, pour qu'on nous voie, et qu'effectivement ce mouvement. Moi, mon objectif ici, c'est déjà, évidemment, c'est de prendre l'Elysée le 12 juillet. Je le dis, je le répète sans arrêt. Nous avons les capacités de le faire. En 1789, ils ont pris la Bastille. Ils ont pris la Bastille, ils ont fait de ce monde, on a fait de ce monde une prison. Si on prend l'Elysée, je suis certain qu'on va faire une vie de château pour tout le monde. C'est simple. On a les moyens de le faire, alors on le fait, c'est tout. Donc voilà, et puis après moi j'ai créé une association en février pour la paix, donc mon objectif final c'est la paix universelle en 2028. Donc voilà, mais évidemment on a besoin de la France, parce que la France est porteuse de valeurs, elle est regardée par le monde entier, il suffit de voir effectivement l'essaimage des Nuits Debout depuis quelques temps. Donc voilà, le monde nous attend, alors prenons confiance en nous les Français, nous sommes le pays de l'excellence. Donc que ce soit les parfums, le vin, tout, c'est l'excellence. La French Touch, enfin, je veux dire, quoi qu'on regarde, de toute façon, la France est le pays de l'excellence. Alors continuons, parce que c'est pas que du matériel, l'excellence. C'est surtout la pensée au début. C'est l'idée même de la liberté qui nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et liberté, égalité, fraternité, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne pas d'ailleurs, ça ne marche pas. C'est liberté, équité, fraternité qu'il faut. L'égalité est impossible de réaliser. Elle est en droit, mais qu'est-ce que le droit, de toute manière? Bon, j'arrête. Excusez-moi. Moi, je voudrais... je crois pas trop à la médiatisation, en fait. Il s'agit pas de dire qu'il faut être confidentiel, hein, je dis pas ça non plus, mais je crois pas qu'il faut amener ici la télé. Par contre, la question de savoir quelle suite à Nuit Debout avec la crainte que ce mouvement s'épuise, etc. Moi, je reste convaincu que avec ce mouvement, il y a quelque chose qui va dans le sens d'une œuvre de réflexion sur la notion même de démocratie, qui a quelque chose qui vient contester fondamentalement le système de la représentation politique tel que il ne convainc plus personne d'aller voter, enfin plus grand monde en tout cas, et que la question de savoir dans quelle mesure ce mouvement peut donner naissance à quelque chose qui soit un parti comme Podemos en Espagne, qui renouvelle la manière de faire de la politique et constitue quelque chose qui soit de l'ordre d'un programme, parce que je suis désolé de dire que quand les gens disent « mais nuit debout, on n'entend pas leurs revendications, c'est inaudible », il y a une part de vrai dans ça qui doit pouvoir être entendue, quelle que soit la qualité des réflexions qui sont menées et on revient à la question qui était posée par la dame tout à l'heure, des solutions. Évidemment, les solutions, elles vont pas tomber du ciel malgré les prophètes ici présents, mais la question demeure d'avoir quelque chose qui ressemble à des revendications qui ne se limitent pas à l'abolition de la loi travail, il me semble. Il y a quelque chose de plus ambitieux qui doit être... Et je me demande malgré tout si la structure n'aurait pas du sens pour que précisément tout le fruit de la réflexion, de l'intelligence collective qui est mise en œuvre ici puisse avoir une autre audience que celle qu'elle a actuellement. Voilà. Oui, en tout cas, il y a... Alors, j'ai envie de dire différentes choses. Premièrement, attention à ne pas... Voilà, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, aller trop vite, dans le sens où, là, il y a vraiment des travaux de proposition qui sont faits par les commissions. Il y a la commission de travail, ils sont en train de proposer, et je crois qu'ils ont déjà fait un texte là-dessus, une nouvelle loi travail. Par contre... Il y a la diffusion, il y a la dispersion. C'est-à-dire que, du coup, il y a, je ne sais plus combien il y a de commissions actuellement à Nuit Debout, mais il y en a plus de 50. Et donc, ils travaillent sur des thèmes extrêmement précis sur lesquels ils proposent des choses concrètes. Donc, ça, ce serait bien que ces choses-là concrètes soient en effet diffusées. Est-ce que pour ça, il faut que ce soit rassemblé au nom d'un parti ou que ça se fasse de façon que les commissions s'en occupent elles-mêmes ? C'est une vraie question. Peut-être que ça va se mettre en place tout seul ou petit à petit, je sais pas. Ça fait 2 mois maintenant que ça existe, que c'est là. Il y a déjà énormément de choses de faites et je crois, là je parle toujours en mon nom, hein, que je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que rien que Nuit Debout existe, les gens qui viennent ici se sont repolitisés d'une certaine façon. Et vous disiez plus personne ne croit en l'élection. Non seulement ça. Mais en plus, les gens commencent à se rendre compte qu'ils peuvent aussi penser par eux-mêmes et qu'il faut, plus attendre des gouvernants des solutions, parce que de toute façon, c'est plutôt des répétitions que des solutions qui sont apportées, qu'ensuite, ça ne va pas forcément dans le sens du plus grand nombre, je dirais. Et enfin, que là, tous ces sujets qu'on entend en général débattus par des experts à la télé dont on connaît quelques noms qu'on retrouve, et ben là, en fait, on les débat les uns avec les autres. Et on se rend compte qu'il y a vraiment des choses à construire. Après, c'est là où se pose aussi la question de la violence. Je vais expliquer pourquoi. Parce que dans ce qu'est proposer ici concrètement pour que ça ait un impact, pour que ce soit vraiment... Je ne sais pas, on pourrait imaginer par exemple qu'une commission envoie son texte au gouvernement et que le gouvernement... Mais ça, c'est impossible, parce qu'il y a déjà eu des essais de fait, et il n'y a rien, enfin, il n'y a aucune... c'est imperméable, quoi. C'est totalement imperméable. Et c'est là où c'est reposé, du coup, là, j'en viens là, la question de la violence, c'est-à-dire comment faire pour que ce soit audible et qu'il n'y ait pas ce clivage. J'étais assez gênée au début, à Nuit Debout, parce que j'entendais beaucoup « eux, nous, eux, nous, eux, nous ». Et je me disais, en même temps, le clivage, rien qu'à dire ça, on le répète ici. Et en même temps, je crois que j'étais un petit peu utopique, et je me suis rendu compte de plus en plus que ce clivage, il est réel. Enfin, il y a vraiment quelque chose de c'est pas impénétrable, mais enfin, il y a pas de jonction possible entre les deux. Alors, je sais pas s'il y a des associations qui réussissent à se faire entendre, peut-être parce qu'elles ont un poids économique. Alors, ce que je trouve très bien, là, quand même, le mouvement social a pris une autre ampleur. Il commence à parler différemment des modifications sur le travail depuis que ça impacte l'économie. Donc ça, c'est quand même... Des forces qui doivent être prises en compte aussi. Enfin bon, peut-être qu'on s'éloigne du... Je sais pas, oui. Limite du film. Ouais. Juste par rapport à la violence, j'ai tenté de faire un débat un coup, enfin un apéro débat avec la question qui était la différence entre la force et la violence, la différence entre la force et la violence et la nécessité de l'un et de l'autre. Bon, je pense que c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut vraiment être violent et qu'est-ce que c'est que la force vraiment? Nous, au final, à la fin de l'apéro, on avait dit que la force était nécessaire au maintien, à la cohésion, tout ça, mais que la violence n'était pas nécessaire et qu'était à éviter plutôt. Donc, voilà, peut-être qu'on peut reparler de ça. Ouais, c'était simplement pour une précision vis-à-vis du clivage. En fait, il y a des moyens juridiques pour faire passer des lois et pour les faire entendre par le gouvernement. Il y a plein d'associations qui font déjà le travail. C'est les think tanks, par exemple, qui pour proposer une... Comment ? Alors, il y a plein d'associations qui ont une influence véritable sur la législation et sur la marche du gouvernement et sur l'organisation en fait, du régime. Il suffit simplement en fait, de faire un travail... en profondeur pour démontrer que telle ou telle loi n'est pas constitutionnelle, pour démontrer que telle ou telle loi est nécessaire, doit être mise en place. Et pour ça, il faut démontrer, il faut organiser un comité de recherche avec lequel on va appuyer scientifiquement et avec des données vraiment très précises pour ensuite le proposer en tant que projet de loi. Et ça, c'est une façon pour pouvoir influencer justement le régime et changer des circonstances politiques. C'était juste pour le... Il y a des questions de temps. Il y a la question de la violence qu'on croit devoir opposer à la surviolence de l'État. Et puis il y a la violence que ce faisant on impose aux gens. Voilà. Des succès de Nuit Debout à mon sens, ce qui fait son petit mais très réel succès. C'est d'avoir interrompu une violence quotidienne qui est celle de vivre alignée sur les grandes puissances, les grosses boîtes, non seulement économiques mais politiques. Il y a une sorte d'industrie politique où les grandes entreprises politiques nous imposent aussi leur rythme qu'on peut pas suivre. Voilà. Et un des succès, par exemple, de Debout et d'Éducation populaire. Ou de certains soirs l'Assemblée populaire quand on n'est pas nombreux et qu'on peut vraiment travailler ensemble, c'est qu'on peut prendre du temps pour savoir vraiment de quoi on parle, par exemple. Pour que les gens osent poser les questions idiotes et osent demander un nivellement du discours politique. C'est important de faire ça. Voilà. Plutôt que de tout de suite déployer les grandes marques, les grandes tags, les grandes étiquettes, les grandes enseignes qu'on voit circuler, qu'on voit très fort dans les journaux, à la télé, etc., mais dont on ne sait pas trop de quoi elles parlent. On connaît leurs positions les unes par rapport aux autres, mais on ne comprend pas très bien leur jeu, quoi. Voilà. Donc, c'est important ce ralentissement aussi qu'on impose. C'est important que quelque part on n'ait pas la force d'un parti. Voilà, on pourrait désirer avoir la force d'un parti, mais quelque part aussi avoir la même offre. Et quelque part aussi imposer le même type de dépossession aux gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on a l'air efficace, parce qu'on impose des mots d'ordre dans le même ticket, dans la même machine, quoi, dans le même computer. Mais c'est intéressant aussi, on a l'air moins fort, mais aussi parce qu'on démonte la petite machine. Vous voyez, au lieu de faire tourner les rouages. Et on permet aux gens aussi d'être moins broyés et de s'investir autrement. On permet aussi des formes de participation plus faibles, entre guillemets. Le fait de permettre toutes ces formes de participation faible, d'organisation douce et de travail, c'est vrai, très lent. Les Hébreux, ils ont erré longtemps dans le désert, quoi. on peut pas forcément avoir la vitesse des armées du pharaon, quoi. Le propos, plutôt que d'avoir la vitesse des armées du pharaon, c'est de trouver la mer rouge pour les noyer dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous continuons notre chemin tranquille. Voilà. Donc sur cette question de la violence, de quel type de puissance on doit avoir, voilà, c'est important aussi qu'on ait montré qu'il y a une autre demande, qu'il y a des besoins qui ne sont pas remplis par le marché politique tel qu'il existe actuellement. Une de nos seules vraies réussites, c'est d'avoir créé un autre type d'offre politique sur lequel, enfin, qui crée un marché parallèle sur lequel ils sont pas concurrentiels, et ça leur fout la trouille. On voit l'acharnement des idiocrates, on voit le PS qui est déjà à nos basques, quoi, qui invite des sociologues et des gens comme ça proches de Nuit Debout pour dire mais qu'est-ce qu'on doit faire. Alors ils découvrent le tirage au sort ils découvrent le Sénat qui serait remplacé par un Sénat citoyen tiré au sort, etc. Oh, ça existe des trucs comme ça, enfin voilà. Mais ils sont tellement à la ramasse qu'ils sont prêts à entendre des choses comme ça. Ils sont très très à la ramasse, quoi. C'est aussi ça qu'on a démontré. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors il y a la question des violences policières. Bon, on a réussi à ce que ça n'empêche pas ni les manifs ni ça d'exister, ces violences policières. Aussi parce qu'ils peuvent pas avoir trop de prise sur quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Tout d'un coup, on découvre que les clampins, les brels, etc., ils peuvent aussi faire de la politique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dur d'avoir prise comme ça sur quelque chose comme ça, même avec de la police, quoi. Voilà. Et puis surtout, si on est obligé. Si on est obligé de chasser les loqueteux de la politique, quoi. Si on est obligé de chasser notre petit marché, notre entreprise politique, ça démontre quand même, c'est quand même un immense aveu de faiblesse et de concurrence déloyale de la part des grosses boîtes, quoi. Ça peut plus tenir leur truc. Voilà. Donc, est-ce qu'on doit se focaliser sur les violences policières? En tout cas, peut-être qu'on pourrait se focaliser aussi sur le problème de, on a inventé un rituel. Comment on fait rentrer, voilà, et on a inventé des formes politiques soft qui demandent moins des gens, qui peuvent demander moins, comme c'est les assemblées populaires certains soirs, comme certaines formes de commissions aussi, parce que ce que j'appelle les commissions théologiques, économie politique, constitution. Il faut un travail qu'on admire parce qu'il ressemble aux produits qu'ont l'habitude de produire les grands clercs, quoi, et qui nous en impose symboliquement. Donc on est un peu voué à les admirer, voilà. Mais est-ce qu'il faut un travail politique aussi puissant que ceux qui permettent aux gens qui sont moins dotés culturellement, etc., de se sentir de plein pied, voilà. Ce qui fait que de leur côté, les commissions comme Constitution, Économie politique, ils sont voués à revenir en chercher en permanence la légitimité dans les grandes assemblées votantes, parce qu'ils ont jamais d'autres occasions de rencontrer le peuple et d'employer des tactiques politiciennes pour faire voter leur truc et imposer comme ça au peuple la nouvelle loi de Moïse. Voilà. Alors que les commissions qui tournent sur la place avec les gens, c'est voilà. C'est, effectivement, peuvent se sentir dès le départ plus investis et pas se voir opposer, comme on l'oppose tout le temps à économie politique ou constitution, la question de mais sur quelle autorité vous allez asseoir votre nouvelle économie ou votre nouvelle constitution. Voilà. On a un travail qui est de créer cette autorité. Hein. Et notamment, Debout Éducation Populaire aussi marche parce qu'il est pris dans un mouvement social. Un des problèmes de l'éducation, c'est que pour qu'un message soit transmis, pour qu'une connaissance soit transmise, il n'y a pas de message sans mandat. Il faut qu'il y ait un mandat des deux côtés. Il faut que les gens se sentent fondés, investis non seulement à transmettre un message aux autres, mais à se l'approprier, à se l'accaparer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et Debout Éducation Populaire marche aussi à cause de ça. Parce que les gens qui viennent se sentent investis d'une sorte d'autorité politique du fait d'accomplir une sorte de mission en participant à cette lutte contre la loi au travail. Voilà. Voilà, j'ai dit beaucoup trop de choses, donc je rends la parole au peuple. Quelqu'un qui n'a pas encore parlé, genre une femme peut-être ? Moi, je réclame que la prochaine personne qui parle soit une des femmes qui se trouve de ce côté. Je sais pas, vous avez évoqué à deux reprises la violence, et j'ai pas bien compris quel était le propos, étant donné que qu'on puisse aller vers dans le sens d'un mouvement insurrectionnel, mais en revanche, il faudrait pas se bercer trop d'illusions sur le retentissement actuel de Nuit Debout, étant donné tout le travail de sape qui est effectué au niveau des instances politiques diverses, qu'elles soient de gauche ou de droite d'ailleurs, et relayé par les médias traditionnels qui ont quand même une audience qui écrase qui écrase très lourdement tout ce qui se fait et le rend totalement inaudible. Il faut quand même avoir conscience de ça et donc la question de savoir comment donner une puissance supérieure au mouvement de sorte qu'il que toute cette intelligence collective débouche sur de vraies propositions sociales et politiques et économiques. Moi je veux bien qu'on ne se pose pas la question, mais dans ce cas on reste juste dans une suspension du temps avec l'idée qu'on vit un moment utopique, et peu importe que ça n'ait une audience qu'auprès des personnes qui sont là de passage ponctuellement. Voilà, c'est ça sur quoi je m'interroge, moi. On veut quel retentissement ? Celui de Zlatan, celui de Céline Dion, celui d'une bombe atomique. Voilà, pourquoi pas Bob Marley d'ailleurs. On veut quel type de retentissement? Si c'est le type de retentissement qu'a une autorité de type pontifical ou une autorité de type étatique ou une puissance commerciale, publicitaire, est-ce qu'on est là pour que le même type d'imposition symbolique se reproduise perpétuellement? Voilà. C'est sûr que toutes les sectes juives, dont celles qui ont donné le christianisme, elles pouvaient pas espérer avoir le même type de retentissement que les mots d'ordre de l'empereur, quoi. Ni de l'empereur de Rome, ni de l'empereur Alexandre, etc., quoi. Bon, il a même pas fallu un siècle pour que ça soit finalement les empereurs qui se rallient à eux. Voilà, parce que au bout d'un moment, investir les gens, vous voyez ce que je veux dire ? Investir les gens d'une mission, investir les gens de sens, les investir d'une capacité, ça marche. Ça marche. Voilà. Et montrer qu'ils peuvent vivre en dehors du calendrier de l'empereur, ça marche aussi. Voilà. Donc, et jusqu'à présent, alors on a réussi une seule chose, mais c'est important. On a réussi une forme de désinhibition. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que des luttes, des formes alternatives d'économie, des propositions alternatives pour d'autres formes d'organisation politique, ça existe dans un tas de NAS, dans un tas de niches, dans un tas de groupuscules. Nous, on a créé un espace pour que davantage de gens puissent y croire et s'y investir. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. C'est pas forcément incroyable, mais ça change déjà profondément quelque chose. Je sais pas si on le mesure bien. Si on se met les exigences que nous ont appris à avoir les grands appareils, forcément, on est voué à attendre qu'il n'y ait pas d'autres types de structures que les grands appareils qui puissent les remplir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. D'ailleurs, qu'ils n'arrivent même pas à remplir, hein, parce que ni le Parti communiste ni la CGT ont très rarement eu, en réalité, des masses si conséquentes que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ni les moyens d'imposer les grandes révolutions et tout ça. Donc, demander à un mouvement comme ça, encore très embryonnaire et qui veut agir très très à la base, de réaliser les grands miracles que l'Église officielle a jamais réalisé elle-même, c'est un peu n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Est-ce que la question c'est est-ce qu'on réussit à mettre en branle, une énergie de gens du tout venant, voilà, qui peuvent se dire, même si j'ai pas le grand tag, même si j'ai pas la grande étiquette, même si j'ai pas la grande marque, je peux faire quelque chose et je peux participer là, maintenant, tout de suite, aux grandes alternatives qui jusqu'à présent étaient réservées aux petits groupuscules d'avant-garde. C'est ça qu'on peut créer. Commission France-Afrique. Oui, bonjour. En fait, on répète la même chose, mais tant qu'on donnera de la considération à des mafieux, puisque si vous regardez l'histoire de la politique, l'histoire des religions, l'histoire de tous ces États dirigeants, ce ne sont que des mafias. Et nous, le peuple, uniquement parce qu'ils ont de l'argent et du pouvoir, on leur porte considération. Donc comment on en est arrivé, nous, à être des esclaves à vie et à donner la parole à des mafieux, des criminels? C'est vraiment la question qu'on demande au peuple. Comment se fait-il que vous laissez diriger par des criminels? Je pense que parce que le problème, c'est pas de savoir si une personne dirige un milliard de personnes, parce que le mec est super intelligent, mais comment se fait-il qu'un milliard est assez con pour se laisser diriger par une seule personne? Donc la question, elle est comment on en est arrivé à être mentalement esclave et à se laisser diriger par des mafieux, des menteurs, des tout ce que vous voulez, des voleurs. Qu'est-ce qui nous arrive à nous, le peuple? Est-ce que ça nous arrange? Est-ce que c'est par le goût du confort? Est-ce que c'est par feignantise? Est-ce que c'est par lâcheté? Comment nous, le peuple, en est-on arrivé à être soumis à des mafieux? D'une façon démocratique, en plus, à ce qui paraît. Ce qui ne nous tape pas dessus, à ce qui paraît. Ah, d'accord, d'accord. Mais c'est... Moi personnellement, j'ai arrêté de travailler, ça fait 20 ans, je touche le RSA, je paye pas d'impôts. Et comment se fait-il que vous arrivez à continuer à faire tourner ce système de banquiers-voleurs, de Areva-voleurs, de Total-voleurs? Qu'est-ce qui fait que le peuple qui met les ch'tis dans la mer dans le nord, qui met les occitans dans la mer d'en bas, qui, sous prétexte d'intellectualisme et de depuis qu'on a écrit le livre, l'être humain n'a jamais été aussi abruti depuis qu'on a inventé le livre. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Depuis que le livre est devenu d'une façon, passe dans les mains de tout le monde, on n'a jamais autant vu des gens aussi stupides. Donc, est-ce que lire c'est bien ou est-ce que lire rend stupide? Et quelle est la façon de lire? Est-ce que parce qu'on lit, on ne se parle plus? Est-ce qu'on réfléchit en lisant ou est-ce qu'on réfléchit en parlant et en se contredisant? Donc, je sais pas, est-ce que c'est qui anime le débat? Est-ce que vous pouvez répondre à ces questions? Bah c'est vrai que donc tout dépend de la façon dont on lit un bouquin, si c'est juste pour se distraire ou effectivement si c'est pour systématiquement apprendre quelque chose de ce bouquin. Donc mais aujourd'hui je crois que les livres, bon moi c'est un peu ça me semble complètement désuet, c'est des arbres qu'on coupe, ça sert plus à rien, enfin bon, il me semble. Il y a des écrans, c'est génial, il pleut, il commence à pleuvoir là. Et voilà quoi. Bon moi je sais pas, quelqu'un veut intervenir peut-être, non? Bah vas-y. Pendant qu'il pleut, on va essayer de faire un petit truc. Est-ce qu'il y a ce qui écoute en fait ici? Toi, 1, 2. Écoutez, c'est pas que je me la raconte, mais quand il y aura 1000 personnes, je ferai un débat. Je ne fais pas un débat devant deux personnes. Appelez-moi quand il y a 1000 personnes ici.